Salut tout le monde, c'est Cilion, bienvenue à la 16e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Ne réglez pas votre podcast pour cette émission d'autour d'un VR, Saïsan a troqué sa place de Monsieur Loyal pour celle d'invité. Ça va Saï? Ouais, salut Cilion, bah ça va super bien, ouais, c'est bien comme fauteuil aussi d'être invité de temps en temps à la cool. Donc je suis très pas content trop, d'être là. Pas trop impressionné d'être de l'autre côté du mur, comme tu dirais? un petit peu, je suis un peu tremblant, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, donc non, ça va super bien se passer, c'est cool. Et plus sérieusement, t'es pas fou de me confier ton émission? Bah si, complètement, mais bon, voilà, je vais dire au bout d'un moment, je compte sur toi en fait pour donner une nouvelle couleur à l'émission et voilà, des nouvelles idées, un nouveau souffle au bout de 15 émissions, donc voilà, non, je suis très content que tu hostes. Non mais c'est exceptionnel, hein, tu reprendras les rênes très ah, bientôt. Non, hein. Non, par contre ça t'as pas compris ça, maintenant c'est toi tout le temps. D'accord. Bon bah merci ça. Alors pour cette opus, on parlera bande son de jeux vidéo en général et sur PlayStation VR bien sûr. Et je suis sûr qu'en grand fan de musique, tu auras ton avis là-dessus. Carrément, ouais, plein de choses à dire. On a d'ailleurs un autre musicus parmi nous, en la présence de Sébastien. La pêche Seb? Ça va, et toi? Ouais ça va, bah ouais, content d'être à cette place, ça change. Et un jour peut-être que ce sera toi qui présentera, j'espère. Oula. On n'y est pas encore je pense. Et enfin, alors, last but not least, un revenant qu'on attendait au moins autant que le Night King, notre Johnny du Walker Simulator, le Ballantines du Bullet Time, le Borderline du Borderland, le chef du clan Campbell, notre Jack Daniels de Resident Evil 7, bref, vous l'avez tous reconnu. Bienvenue, Spanx. Bah, merci, quel accueil. Bah ouais, bah, fallait au moins ça pour toi, ça fait tellement longtemps qu'on t'attend. Ouais, mais comme on dit, il faut savoir se faire désirer un petit peu. J'étais bon. Trop. Voilà. Mais, t'as beaucoup joué en ce moment? Pas énormément. Je jouais si pas mal à Apex Legends, mais en VR. En VR, pas trop. Apex Legends, ça existe encore ça? Ça existe encore. Pour ceux qui aiment bien. Okay. J'aime bien. Voilà. Bon, bah alors, autour d'un VR numéro 16. On va pas changer une formule qui gagne, donc il y aura idéalement de l'émission qui sera assez normale. On va parler actu de jeux PlayStation VR, mais surtout une émission quand même un peu spéciale puisqu'on va s'attarder sur la bande son, les musiques, le son des jeux en général et surtout donc on l'a dit sur PlayStation VR avec une petite surprise à la fin. Mais voilà, donc on va commencer doucement mais sûrement par l'actu qui est plutôt morose dans cette période donc fin avril début mai, en tout cas depuis la dernière émission. Pourquoi il y a moins d'actu? C'est parce que comme je le trouve après le State of Play qui a fait hurler la communauté à cause du nombre de jeux VR, il y a un peu moins de trailers qui sont présentés sur la chaîne YouTube de PlayStation. Il y a moins de jeux aussi, hein, il faut le dire. Et puis il y a surtout un gros jeu qui va sortir à la fin du mois, c'est Blood and Truth, je l'ai bien dit Seb. Donc voilà, c'est un peu le creux de la vague, mais on va quand même parler très rapidement des jeux qui sont sortis. Bon Seb, on va pas revenir, hein, t'as déjà parlé donc de Ghost Giant, ouais. Immortal Legacy. Ouais, aussi. Spanx, toi tu avais testé Angry Birds. Voilà, j'ai testé Angry Birds. Il est assez sympa quand même, mais très court. Il n'est pas aussi abouti qu'une version mobile d'Angry Birds. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de niveaux, ça se finit très vite. Mais sinon, ça reste un jeu sympathique. J'avais mis 6,5 quand même. Voilà, ouais. J'ai pas fait l'enfoiré parce qu'il est, il est quand même graphiquement, il est beau, hein, c'est propre, c'est mignon. Et puis ça rappelle les bons temps d'Angry Birds. Les premiers quand on jouait, voilà, donc c'est sympa quand même. Mais bon, comme je dis dans le test, par rapport à VR for Bold Demolition, pour pas faire de la pub, hein, mais à Steve, si tu nous écoutes d'ailleurs, salut à toi, qui est prévu cette année aussi, ce jeu, qui sera beaucoup plus complet quand même. Insight, tu l'as fait toi aussi, voilà. Je confirme. Donc, et de toute façon, on a déjà quand même bien parlé aussi, il y a deux semaines, de Angry Birds. J'ai appris ton test, donc Donc voilà, on a quand même bien fait le tour. Et évidemment, bah, la corrélation avec VR Furballs Demolition, elle saute complètement à la gueule. Et Angry Birds, c'est sympatoche. Mais... Exactement. D'ailleurs, de toute façon, VR Furballs Demolition est un jeu qui est complètement inspiré d'Angry Birds. En plus, mais donc, on peut dire que si c'est l'élève, en tout cas, il a déplacé le maître en VR, en tout cas. L'alpha voilà. Et l'oméga. C'est ça. D'ailleurs, Say, tu fais bien de l'ouvrir. Tu as joué un peu aussi à Falcon Age. Ouais, Falcon Age, ça aussi, on en a parlé il y a deux semaines. Et voilà, je l'ai terminé. Je ne vais pas vraiment revenir dessus parce que, quand même, on avait déjà bien fait le tour il y a deux semaines. J'ai pu le terminer. Sympatoche, un peu court. De belle musique, justement. Vu que c'est l'émission pour ça. Okay. Mais voilà quoi, une bonne petite expérience de 4-5 heures avec une bonne relation avec le faucon et sympa voilà. Okay. Mais sans plus, je crois que j'ai mis 7 il me semble, ouais, à ce jeu, voilà. Quand même, ce qui est très correct. Ah oui, 6,5 c'est déjà bien, 7 ça commence à être une bonne note, hein. Pour 20 euros c'est bien. Exactement, voilà. Après, pour les citer, donc il y a eu Table of Tales que moi j'ai testé, donc j'ai vu qu'il avait des plutôt bonnes critiques sur le net. En tant qu'amateur du genre, c'est quand même hyper limité, c'est sympa sans plus. Et puis après, il y a d'autres jeux, hein, A Chair in a Room, mais je crois que personne ici ne l'a fait, donc on va pas en parler, n'est-ce pas? Si je vous dis lutte contre, ça vous dit quelque chose? Alors, ouais, j'ai lu un article là-dessus, un certain article, mais alors, oui, c'est vrai que la traduction elle est top quoi, du titre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et je sais pas si vous avez lu la description du jeu sur le store, mais c'est carrément c'est traduit avec Google Translate sans relecture. Hein. Ça c'est sûr. C'est fou que ça passe ce genre de truc quoi. C'est pas la première fois en plus. Hein. Ouais. Chaque fois ça ne pas. Ouais, il ne survit pas beaucoup. Sony ça. Faudrait. Ça fait bizarre quand même trouver des jeux comme ça. Ouais. Ça fait un peu amateur quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ça donne pas vraiment envie de te plonger dans le jeu, même de l'acheter, parce que tu dis que si la traduction déjà dans la description, c'est quand même la première vitrine que t'as sur un jeu, elle est comme ça, tu t'imagines déjà ce que tu vas avoir dans le casque. Hein. Et c'est assez commun aux jeux coréens, japonais, en fait, ils traduisent sans traduire. Il y avait déjà eu le cas avec d'autres jeux. Et ils ont carrément fait, donc Lutte Contre, c'est le jeu normal à 6,99€, et ils ont fait un bundle avec des avatars en plus à 8,99€, et là ça s'appelle Contre Fight Samurai Edition. Waouh. Voilà. D'accord. Donc si tu connais pas, tu penses que c'est deux jeux différents, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, t'es complètement perdu, quoi. Voilà, et puis donc, dernière sortie en cours, Box VR, est en train de tester plus exactement Cyril. Mm-hmm. Donc un jeu de fitness, voilà. Voilà les sorties du PlayStation VR depuis la dernière émission. C'est pas foufou quand même, hein, ce qu'on a en ce moment. C'est vraiment pas foufou. C'est pourquoi on a décidé de faire une émission spéciale. Ça fait longtemps que je te tanne avec ça, Say. Je voulais parler bande-son et je suis parmi vous celui qui s'y connaît peut-être le moins, puisque vous êtes tous amateurs de musique, n'est-ce pas, Spanx? Oui. Et donc, messieurs, parlons son de jeux vidéo. On va commencer par la question, c'est déjà toute bête. Quels sont vos meilleurs souvenirs musicaux en jeu vidéo? Qui? Comme vous voulez. Celui qui veut. Battez-vous, allez. Allez, je vais commencer. Enfin, moi, la première console que j'ai eue, c'est la NES. Hein, donc forcément, on a tous en tête un certain air de Mario, quoi. Super Mario Bros. Je crois qu'on connaît tous cet air-là, et ça c'est un de mes plus grands souvenirs, vraiment ancien. Il y avait aussi Tetris, sur Game Boy. Tellement Tetris. En boucle celui-là, tellement en boucle on l'a entendu. Donc des mélodies simples. Clair, là, musique simple mais efficace quoi, qui te rentre dans la tête quoi, ça c'est sûr. Surtout quand tu les connais, c'est les premiers jeux que tu connais vraiment quoi. Ouais, il y a carrément même des concerts symphoniques sur ces musiques. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, il y a beaucoup de gens qui les reprennent au piano. On trouve beaucoup de reprises sur YouTube. Et c'est sympa. Et même beaucoup de concerts, même chiptune, hein, qui sortent avec des DJ justement qui reprennent la sonorité de ces vieilles consoles avec les bip-bip, les coups de cymbales un peu crasseuses. Et ça cartonne hein, en plus. Hein. Ça cartonne, hein. À chaque fois ça fait sable comble parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques justement de cette époque-là et qui se retrouvent comme ça à des concerts à écouter des sons de leur époque, de leur enfance en fait. Ouais, mais Mario, enfin, ok. C'est quand même hyper simple comme je disais, mais c'est une mélodie qui, dont on se souvient, mais c'est pas une grande symphonie quoi. Alors c'est simple et c'est pas si simple que ça en fait la musique de Mario. Je sais pas si tu connais l'histoire, mais. Dans le premier Mario Bros, en fait, la musique était calée sur les mouvements et sur la progression du premier niveau. Ah, ouais, c'est que normalement, tu pouvais fermer les yeux et puis selon le rythme et selon certains passages du morceau, en fait, tu savais exactement ce qu'il fallait faire. Et c'était complètement calé sur le premier niveau. Donc, c'est pas si simple que ça, en fait. Hein. Ouais, ça, c'est une belle anecdote, justement. Donc là, on commence vraiment sur les toutes premières musiques de jeux vidéo hein, avec Mario et... Et Tetris, on continue le tour de table. Sai, vas-y, qu'est-ce que t'as une musique en tête là ? Alors ouais, la question donc je l'avais depuis plusieurs jours. Et c'est vrai que j'ai pas du tout réussi en fait à départager tous les morceaux que j'aime dans le jeu vidéo. Je suis un gros fan de musique en général, mais les musiques de jeux vidéo aussi, il y en a que je les trouve tellement pertinentes et tellement diverses. Est-ce que je peux faire le relou déjà et citer deux types de morceaux vraiment qui me fascinent dans les jeux? Je dirais premièrement déjà tous les morceaux de Nobuo Uematsu, qui est le compositeur officiel et historique des Final Fantasy. Ouais, ouais. Je pourrais pas déterminer quel morceau en particulier, en fait, tellement il y en a, que ce soit les musiques de FF4 qui font peut-être partie de mes préférés, ou les musiques de FF6, bien sûr, FF7, parce que ça a été mon tout premier Final Fantasy, et du coup, elles restent gravées, et quand tu les réécoutes, en fait, tu te replonges dans l'histoire, dans l'univers. De façon vraiment systématique et instantanée. Et dans un tout autre genre, en fait, il y aurait aussi les musiques d'Akira Yamaoka, qui est le compositeur aussi officiel et historique des Silent Hills. Et que j'adore, voilà, son côté rock. Donc tout le premier, c'était surtout de la musique un peu industrielle. Un peu country aussi, non ? C'était pas... Non ? Si, le thème de base, t'as raison, il était un petit peu country justement dans le générique d'intro. Et après, dans tout le jeu, c'était plus des mélanges de tôles qui se froissent, de rythmiques très, très lancinantes, voire même rapides et saccadées. Et c'était vraiment entêtant. Et après, ensuite, à partir du 2, il est passé dans un style un peu plus folk, un peu plus pop même, voire même un peu plus rock. Jusqu'à la fin de la presque la fin de la série, parce qu'il a pas fait la musique, je crois, du dernier de Downpour, c'était Korn. Oh non, c'était Jonathan Davis, le chanteur de Korn, qui s'était occupé de la musique. Mais avant, en fait, à chaque fois, il y avait des morceaux qui étaient chantés par sa chanteuse officielle, Marie-Elisabeth. J'ai plus son nom en tête, je suis désolé. Bah Marie-Elisabeth. Ouais, voilà. Et qui étaient tous des morceaux, mais qui transportaient directement dans l'univers du jeu. Et j'ai même eu la chance de voir un de ses premiers concerts en France qu'il avait fait à la Japan Expo à l'époque. C'était il y a une petite dizaine d'années. Et il a refait tous les classiques de Silent Hills pendant une heure. Il y avait deux dates, j'assiste aux deux dates, j'ai eu des frissons, tout le monde. Voilà, donc ouais, je dirais que voilà, toute l'œuvre de Uematsu et de Yamaoka, pour moi, c'est vraiment mes meilleurs souvenirs de musique de jeux vidéo. Ouais, j'avais marqué aussi, moi, Uematsu. Enfin, il a collaboré avec beaucoup de gens. À chaque fois, il n'a pas fait signer les musiques tout seul, mais il y a quand même des morceaux, comme tu disais, il suffit de les réécouter et on se replonge complètement dans le jeu. Il y en a qui sont excellentes. Seb, un petit exemple de musique qui t'ont marqué ? Je sais pas par où commencer en fait. C'est le problème, ouais. Il y a un peu plusieurs époques et puis il y a. On va tous aussi, les citer, hein, donc vas-y. Voilà, il y a les morceaux que t'aimes bien ou que tu trouves que les jeux ont des bonnes bandes son, mais il y a aussi l'aspect nostalgique qui joue sur certains jeux, des musiques qui t'ont marqué quand t'étais jeune sur des jeux en particulier, mais c'est plus. C'est plus la nostalgie du jeu. Et puis après, il y a aussi des fois des jeux avec des bandes son où ils vont reprendre des compositeurs, des morceaux de compositeurs qui vont les intégrer dans le jeu. Donc c'est pas des musiques qui ont été créées à proprement pour le jeu. Je sais pas si je suis bien clair. Si, c'est pas des morceaux originaux, c'est des morceaux un peu comme Lemmings, la BO de Lemmings, où c'était des morceaux classiques. T'avais le French Cancan, mais fait en iTunes. Non, c'est ça que tu voulais dire ou je suis complètement à côté? Ah, c'est un magnifique exemple. Ouais, ouais. Non, bah écoute, on va commencer par le rétro alors. Ouais, allez. Le rétro et la nostalgie. Bah moi, le thème de Zelda dans Link's Awakening sur Game Boy, c'est le premier Zelda que j'ai fait en fait. J'avais une Game Boy en noir et blanc. Et je pense que c'est un thème voilà, que tout le monde connaît bien. Non. Bah, si, qui vous entend pas. Je suis pas Nintendo, alors voilà. Je saurais pas dire moi. Non. Ok. Après, bah, pour continuer dans cette vague, il y a aussi le thème d'origine de Doom. Ah, c'était la reprise un petit peu Metallica, non? C'était un espèce de pastiche d'un vieux morceau de Metallica, non? Je ne sais pas. Je sais pas pour Metallica. C'était genre Master of Puppets, il me semble, qu'ils avaient repris. Je ne sais pas. Je vais me faire blâmer, mais j'ai jamais aimé Metallica. Quoi? Ah, c'est bien possible. Quoi? Toi, ouais. Sébastien, toi? Moi, ouais. À je qui sais. J'avais confiance? En fait, c'est le chant, la voix, ça passe pas. Tu vois, pourquoi. voilà. Bon, je me casse. Hein. C'est dit. Non, ça y est. Ça va bien. Je vais m'arrêter là sur ce sujet. Et sinon, bah, dans le même registre que Doom, il y a Duck Nukem aussi. Et Let's Rock. T'inquiète, on mettra la musique en fond, Seb, t'es pas obligé de la chanter, s'il te plaît. On pourra comparer comme ça. Et puis, bah tiens, quand tu parlais de Lemmings aussi, avec les morceaux originaux, ce qui était marrant, c'était les vieux jeux qui essayaient de reprendre les musiques connues, mais en version du coup 8-bit ou autre. Ouais, et t'avais Rock'n'Roll Racing, qui était un des premiers à le faire. Ouais. Et t'avais c'est du Black Nintendo. Sabbath et Paranoid et tout ça dedans. Ça, c'était assez marrant. Ok. Enfin voilà, mais là voilà, c'est vraiment de la nostalgie. Je passerai au second niveau après. Bon bah le tour de table il va être à 4 parce que je vais quand même moi aussi citer des jeux que j'ai relevés. Moi je pensais aussi dans le style rétro aux musiques de Street of Rage de Koshiro. Ah, oui. Qui ont été remixés maintes fois et il y en a qui sont vraiment mais excellentes quoi et qui vont tellement bien avec le jeu. Donc regardez sur YouTube, il y a plein de remix qui existent, le thème des boss et d'autres, surtout dans les premiers niveaux, il y a des super zics. Et je penserai aussi à mon avis, à un des meilleurs jeux qui a jamais été créé, que j'ai découvert hyper tard, c'est Castlevania Symphony of the Night. J'allais le citer. De Michiru Yamane, pardon. Et il y a des morceaux qui sont à tomber, quoi. Dance of Illusion. Voilà, par exemple. Donc voilà, ça c'est des musiques qui m'ont marqué aussi, qui sont... Non, sur Street of Rage, c'est pas de la symphonie, mais voilà, ça vous marque quand vous entendez tout de suite, vous repensez au jeu, quoi. Direct. C'est marrant, la Symphony of Night, j'ai adoré ce jeu. Ouais. J'ai aucun souvenir des zics. C'est vrai? Oh la ouais. Ah, elles m'ont vraiment pas marqué, tu vois. Elles m'ont pas transporté. C'est peut-être parce que justement il y a aussi trop d'effets sonores dessus, tu sais, des coups de sabre, des hurlements, des explosions un peu de partout. C'est quand même un jeu qui est très, très baroque, même dans son style, évidemment dans son style graphique, mais aussi dans tout ce qui est ses sons, quoi. Enfin, il est très exubérant. Et du coup, en fait, la musique, je trouve qu'elle passe vachement retrait dans ce jeu-là. C'est quelqu'un de... Je me suis pas trop penché dessus, en fait. Ah bah, tu les réécouteras, hein, parce que franchement, il y a des bons morceaux. Moi, je te conseille, quoi. Ok. Alors, continue le tour de table, Spanx. Est-ce que t'as d'autres zics? Ouais, bah après, moi, je me suis... Enfin, je connais... Enfin, il y a des trucs que j'ai bien aimés, mais je connais pas les noms d'artistes. Bah par exemple les musiques dans Metal Gear Solid, je pense que ouais. Je suis ouais. Pas le seul ici à avoir Harry voilà. Gregson Williams, il me semble. On l'avait tous ouais, noté après... hein, je pense aussi ouais. Pareil. Metal Gear ouais. Ouais. Ouais voilà, après je connais pas les compositeurs, mais voilà, c'est des zics qui sont entraînantes, qui restent vraiment marquées, puis c'est nostalgique hein. Metal Gear le premier, c'était vraiment. Bah vous souvenez. Vous souvenez tous quand vous avez lancé Metal Gear Solid 2, en fait le numéro 3, mais le 2 en fait. au tout début, c'est une musique un peu pompeuse, quoi, mais on avait tellement hâte d'y rejouer que ça passe bien, vous savez, vous êtes sur le bateau. Ah, est-ce que vous connaissez la petite anecdote sur justement le thème principal de Metal Gear Solid? Ah oui, je l'ai su. Ouais. Ah, c'est une reprise. C'est une reprise d'un morceau classique russe, très connu en Russie. Et t'écoutes l'original, la version russe, c'est complètement pompé. Hein. Il n'y a pas de doute possible. Même si t'as pas l'oreille, tu l'entends. Hein. Et c'était justement pendant une interview en Russie où le journaliste avait présenté à Hideo Kojima et donc au compositeur le morceau original en disant mais nous ça nous fait penser à notre morceau en fait, votre thème, ce truc là. Et ils sont tous gênés en fait les deux, ils savent pas où se foutre, ils baissent les yeux et tout. Et, je pense que Kojima devait pas vraiment être au courant. Et donc du coup elle était très très gênée et c'est depuis cette interview là en fait qu'on n'a plus jamais entendu le thème emblématique des Metal Gear dans la série. Je crois que c'est à partir du 3, si je dis pas de bêtises, ou de Guns of Patriot, le 4. Ça a été complètement changé, en fait. Donc il était très efficace, mais c'était du vol pur et simple, en fait. Mais il y a eu quelques scandales de repompage hein, dans le monde du jeu vidéo, hein, de musique. Il y en a eu d'autres, mais après, celui-là m'a vraiment marqué, parce qu'en étant un gros fan de Metal Gear... voilà, c'est un petit peu tu tombes de ta branche quoi quand t'entends ça. Mais bon. Il y avait pas aussi un compositeur japonais qui était censé être sourd, qui avait fait des musiques de jeux vidéo et en fait il était pas du tout sourd. Ça vous parle pas? Il y avait une histoire comme ça. Enfin, bref. Ah non, ouais, ça me dirait du tout. Par Beethoven. Ouais, je me connais pas trop en sourd donc je sais pas. Non, trois. Bref, on n'est pas à l'émission des scandales, on n'est pas là pour ça. Du buzz, du clash. Tu veux du putaclic, hein? Voilà, exactement. alors, quelles sont vos autres musiques de jeux vidéo qui vous ont marqué dans votre vie de gamer? Ben, je pensais aussi... alors, pareil, hein, c'est pas un morceau en particulier, c'est une bande-son en général, et c'est même pas d'un jeu en particulier, c'est d'une série de jeux. C'est les morceaux de Jeremy Soule. Compositeur des thèmes et des morceaux des Elder Scrolls depuis Morrowind et jusqu'à Skyrim. Et pareil, c'est des thèmes que je m'écoute aussi assez régulièrement. Rien que le thème principal, le thème d'intro de Morrowind, pour moi c'est un des plus beaux thèmes qui existent, qui transporte littéralement directement dès que tu l'écoutes. Et à chaque fois, en fait, ce thème est repris de façon un petit peu différente selon la région dans laquelle se passe le jeu. Donc, dans Morrowind, bon, évidemment, c'est Vardenfell, donc c'est l'île qui est au nord de Morrowind. Dans l'épisode 5, c'est Oblivion, ça se passe à... j'aurais dû réviser, mais c'est là où il y a la cité impériale. Et donc, du coup, la musique, en fait, c'est le même thème, hein, c'est les mêmes accords, mais... un petit peu différente. Et le dernier, Skyrim, qui se passe en bord de ciel, là c'est tout de suite un truc un peu plus guerrier, un peu plus viking, tu vois, et ouais. Tu reconnais quand même le thème de base, mais ça change tout le temps. Et même dans le Elder Scrolls Online, il a encore changé en fait ce thème là et comme on aime le scandale, j'espère qu'il sera franchement aussi le compositeur du prochain Elder Scrolls, donc le 6. Je sais pas où il se trouve encore, ou ce qui va se passer dans Tamriel, parce qu'en fait il y a Bethesda qui a eu la bonne idée de faire des concerts symphoniques avec les morceaux d'Elder Scrolls, mais sans utiliser les partitions de Jeremy Soule, et surtout sans le prévenir. Donc en fait ils l'ont fait un petit dans le dos, c'était il y a quelques années, il y a 4-5 ans, un truc comme ça, il l'avait très très mal pris justement. Ah bah et c'est surtout mort. J'espère franchement pas, parce que on reviendra peut-être tout à l'heure justement de ce qu'on pense des musiques, de l'importance des musiques dans le jeu vidéo. Mais franchement, la musique de Jeremy Soule dans Elder Scrolls, c'est vraiment l'âme d'Elder Scrolls. S'il n'y avait pas cette musique-là, ça n'aurait pas la même saveur, quoi. Ça n'aurait pas le même fond, ça n'aurait pas la même magie. Tous ceux qui ont joué à Skyrim, enfin même à n'importe quel Elder Scrolls qui se balade la nuit avec les petites musiques nocturnes qui accompagnent le joueur, se souviennent avoir été transportés justement dans cet état un peu bizarre, quoi. Enfin, voilà, je suis un gros fan de ce gars-là. Il a aussi bossé la série. Comment ça s'appelle ? C'est un MMORPG avec des dragons là. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Avec des dragons ? Non, il y avait pas de dragon dedans, mais. J'ai cru que t'avais dit des dragons. Ah si, il y avait pas de dragon dedans, je crois, mais il y avait des dragons sur la jaquette. Guild Wars, voilà. Ah. On a essayé de bosser dessus. Et pareil, on sent sa patte, quoi. Et c'est un génie, en fait, ce mec, tout simplement. Franchement, c'est vraiment un génie. J'aime beaucoup. Mais petite parenthèse, alors, si on parle de Skyrim, justement, moi, j'ai un petit peu de mal avec ces musiques parce que, en fait, dès qu'il se passe une action, la musique va se mettre à changer. Tout d'un coup, tu te fais attaquer, t'as une musique de combat qui se met en route. Et donc, tout de suite, t'as peur, quoi. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que vous pensez, d'ailleurs, des jeux vidéo qui modifient la musique en fonction de l'action ? Vous aimez bien ça ? C'est essentiel. Ouais. Oui, dans un certain sens. C'était pas le cas avant, hein. Avant, t'avais une musique pour le niveau, point. Et maintenant... C'est le cas depuis très très longtemps. Le premier Tomb Raider, je sais pas si tu te souviens, dès que t'avais les premiers loups qui te tombaient sur la couane, t'avais la musique qui changeait, hein. Ouais, mais l'effet de surprise, ça va avec l'action, mais vous perdez pas un peu d'effet de surprise en faisant ça ? Moi, je pense que ça dépend du type de jeu, en fait. Ça dépend du type de jeu, mais ça reste quand même essentiel. C'est partie intégrante du game design dans un jeu. Si tu n'as pas, si t'as une continuité, en fait, quelque part, tu seras choqué, inconsciemment. Si tu gardes une petite musique légère pendant un gros combat, par exemple dans Skyrim, voilà, t'es de nuit dans la pampa, tu te balades avec ton arc et ton épée, avec une petite musique au piano, très très lancinante, enfin très très douce, et là t'as un dragon qui te tombe sur le coin de la gueule. Et la musique ne change pas. Est-ce que tu penses que ça serait pas plus choquant, justement, cette situation, plutôt que d'avoir la musique qui commence à s'emballer, voilà, épique, tu vois, ça ramène de l'épique dans le combat. Non, c'est très important, ça. Et c'est essentiel pour le game design, en fait. Ouais, mais bon, je vous invite un jour à jouer à Skyrim sans les musiques ou en changeant les musiques. Et les effets de surprise seront beaucoup plus présents, en fait, quand vous faites des combats. Tout d'un coup, Je t'invite à regarder un épisode de Game of Thrones sans la musique. Et on en reparle. Surtout le dernier. Un épisode de quoi ? De Game of Thrones. C'est pareil, tu vois. C'est comme dans les films, c'est comme au cinéma. Enfin, la musique, elle doit évoluer dans le film suivant l'action, tu vois. C'est impératif quand même. Alors, dans un certain sens. Tu veux vraiment qu'on parle de Game of Thrones ? Non, c'était un petit clin d'œil. Qui meurt ? Je me rappelle. On parlait de dragon depuis tout à l'heure, vous m'avez chauffé. Mais on parle juste de musique. Alors, dans le dernier épisode, à un moment, t'as une musique qui est pas très. Enfin, oui, c'est plus dramatique que de l'action, mais. Voilà, c'est pas une musique épique, c'est une musique un peu plus... Ça peut passer aussi, mais... Ça fait partie de la mise en scène, et ça fait partie, donc ce qu'on appelle mise en scène musicale dans un film ou dans une série, et ce qui fait partie du game design quand on parle de jeux vidéo. Ça doit accompagner l'action, qu'il y ait un relâchement, ou une bulle de calme dans le déroulement du jeu. Ou quand il y a justement une scène beaucoup plus dans l'action, du coup la musique doit accompagner ça. Tu peux pas faire sans, en fait. Ou alors ça donnerait quelque chose de très très bizarre. Bah, j'aurais une autre question après, alors sur les jeux en VR en particulier, donc la musique qui change, etc. Puisque la caméra n'est pas posée par le réalisateur là où vous voulez, mais que vous regardez finalement où vous voulez, est-ce que ça a le même impact en VR que dans un jeu vidéo en plat ? Est-ce que c'est au point ? Est-ce que... Bah regarde, par exemple, un exemple, on a tous fait Affected the Manor ici. Ouais. Affected the Manor, pour moi, j'adorais la bande-son. Hein, je trouve qu'il y a des musiques, elles sont vraiment bien. Et t'as vu, elle évolue suivant ton évolution dans le manoir, en fait. C'est-à-dire que tu passes des endroits, ça déclenche la musique. Et à partir de ce moment-là, non, c'est pas dérangeant si c'est bien, bien calé. Ça va avec l'évolution de ton personnage, quoi. Enfin, de là où t'es, de ce que t'es en train de faire. L'évolution de la musique, en fait, ça n'a rien à voir avec l'angle de caméra. Là, en l'occurrence, donc en général, c'est du FPS en règle générale, hein, dans les jeux VR. Mais c'est exactement le même principe, hein. Que tu aies une vue externe ou une vue interne sur le personnage par rapport à l'action, de toute façon, la musique suivra l'action exactement de la même façon. Ouais, donc, je reprendrai l'exemple de Skyrim, c'est que tu te balades dans la forêt, t'as la petite musique avec les chants, tout va bien, et tout d'un coup, tu te fais attaquer par des loups, tu les vois pas, et la musique change. Et quelque part, bon, comme ça, t'es alerté, mais tu vois pas forcément les ennemis. Et t'as déjà la musique d'action, de combat qui se fait en route. Tu veux dire. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, quand tu parles d'effet de surprise, en fait, là, c'est plus le fait que la musique anticipe un petit peu trop, en fait, justement, l'action à venir. Ouais. C'est-à-dire que dès que tu commences à avoir aggro un ennemi dans les parages, en fait, la musique d'action s'enclenche. Il semble que toi-même t'aies conscience d'être attaqué. C'est ça qui gêne. Mais ça, c'est pas inhérent justement au jeu VR, mais c'est vraiment des problèmes qu'il y a sur pas mal de jeux aussi. Et ça, c'est un problème de dosage, quoi, malheureusement. C'est un peu bête. Et des fois, en plus, t'as des bugs, par exemple, sur des jeux d'action, des TPS, des trucs comme ça, où la musique d'action ne s'arrête pas une fois que l'action s'est terminée. Là, c'est embêtant, là, par contre. C'est que ça continue. Et puis c'est fini. Des fois, elle s'arrête pas et tu comprends pas, mais en fait, c'est parce qu'il y a un ennemi qui est coincé à un endroit. C'est parce que la musique s'arrête pas et tu vas le chercher. C'est ça. Division 2, si tu nous écoutes, voilà. Ah, d'accord, ça sent le vécu. Ah ouais. Bon, allez, continuons le tour de table. Seb, je suis sûr que t'as encore plein d'exemples, et vu que t'en as plein, on va continuer avec toi. Alors, pour terminer la petite. Tout à l'heure, tu parlais de Metallica et Duke Nukem, je crois que c'est Megadeth. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Deux écoles différentes. Voilà, c'est ça. À vérifier, mais je crois. D'accord. Sinon, après, alors je vais pas évoquer les jeux avec les artistes, entre guillemets. Qui sont mis en avant. Là, je vais citer des jeux avec des musiques particulières. Là, par exemple, un jeu, moi, avec un thème qui m'a beaucoup plu, qui me plaît toujours, d'ailleurs, qui pose une ambiance directe, c'est le thème de Max Payne. Ah, je m'en souviens plus. Oui. Film noir, oui, carrément. Ouais, voilà, j'aime beaucoup ce thème. Je suis un grand fan de Max Payne, là, ça me parle. Ah, bah voilà, on se comprend. C'est vrai. Et la musique, ça joue totalement sur. Ça te pose direct dans l'ambiance et. Il y a des jeux comme ça. Elle va avec la noirceur du jeu. Elle est. C'est ça. Et tu vois, il y a même le menu d'Oddworld, par exemple. T'as pas grand chose, mais t'arrives sur le menu d'Oddworld, t'entends le boum, boum, boum, boum. Mm. Avec des petits sons derrière, très discrets. Et ça te pose déjà dans une ambiance chelou. Et, c'est cool, maintenant je l'ai dans la tête, super. Elle était géniale, c'est vrai. Merci d'avoir cité. Le petit violon là. Je t'en fais. Ouais, voilà, c'est au piano aussi. Tu l'as au piano aussi. Je crois que tu peux le jouer dans le jeu d'ailleurs, quand t'as un piano et que t'appuies sur le bouton d'action. Le premier Max Payne. Il cherche les notes. Je crois que tu te plantes la première fois, il fait des fausses notes, la deuxième un peu moins, et la troisième il le joue bien. Oui, c'est ça. Comme ça. Mais ça j'aime beaucoup. Je m'en souviens. Donc ouais, c'était Outworld, mais c'était plus pour l'esprit ambiance, hein, parce que sinon la BO est pas spécialement marquante. Mais... Après, en BO, peut-être que Spanx va me rejoindre dessus aussi. Une qui était assez marquée et qui était sympa, c'était celle de Jet Set Radio. J'ai pas trop connu Jet Set Radio. Jet Set pas connu. Radio. Non. C'est ça. Avec les scratchs. Elle avait un gros côté hip-hop en fait. Ouais. Et c'était bien sympa, c'était un peu à l'ancienne. Ouais, mais je vois à peu près le style dosique, oui, c'est un peu old school. Voilà, te mettais bien dans le bain et c'était cool. Est-ce qu'on passe à quelqu'un d'autre ou est-ce que je continue? Je sais pas, t'as une liste de 20, 25 Non. j'en ai plus beaucoup. Allez, vas-y, ça y est, à toi alors. D'autres jeux? Fais-nous rêver. Ouais, là en fait, alors c'est. J'aime beaucoup les jeux narratifs en fait, qui racontent des histoires et qui arrivent à te toucher justement par leurs belles histoires. Et j'ai repensé à deux jeux. Particulier, c'est Heavy Rain, où les musiques sont magnifiques, avec beaucoup de piano. Enfin, vu que c'est un jeu qui est très sombre, qui est très. C'est un thriller en fait, donc c'est extrêmement sombre. T'as des morceaux, en fait, ça fait partie de ces bandes-sons que je me réécoute plusieurs années après avoir terminé le jeu, parce que elles m'ont marqué, elles te replongent aussi directement dedans. Donc les musiques d'Heavy Rain, elles sont vraiment très très belles. J'avais noté tout à l'heure le gars qui les avait fait. Heavy Rain. Ah, j'ai pas fait. C'est, c'est Norman Corbeil. Alors, je sais pas ce qu'il a fait d'autre que ce jeu-là, mais en tout cas, voilà, Heavy Rain, c'est vraiment une grosse maîtrise. Vu qu'en plus, ça ressemble quand même beaucoup à un film, et d'ailleurs, ça lui a été quand même beaucoup reproché à l'époque, la bande-son a une énorme importance, elle est quasiment omniprésente et elle soutient l'action et la mise en scène. Tout le temps. Mais elle est tout le temps juste, elle est tout le temps nickel. Il n'y a jamais une faute de goût ni quoi que ce soit. Elle te plonge dans l'ambiance de façon assez incroyable. Et il y a un autre jeu aussi, dans le même style, aussi un peu nostalgique comme trip, c'est Life is Strange. Et j'allais le citer aussi. Ouais. Ouais, c'est très folk en fait, c'est très adolescent, tu vois. Ça t'amène dans un état d'esprit un peu rêveur, tu vois. Donc, mais pour le coup, c'est des artistes, hein. C'est des morceaux d'artistes qui sont intégrés. Voilà, ouais. Exactement. C'est pas une bande son originale, c'est vraiment des morceaux d'artistes qui ont été rajoutés dedans. Il y a José Gonzalez, Sid Matters, Sparkle Horse. Et ça passe bien. Et c'est pareil, en fait, c'est quand t'as envie de retrouver en fait cette ambiance un peu insouciante, un peu adolescente en fait, bah, c'est vraiment une très très bonne son à se mettre dans les oreilles aussi pour se mettre dans une bonne petite ambiance tranquillou quoi. Et tu disais que un bon mood. C'est arrivé d'écouter des musiques de jeux vidéo hors jeu. Ouais. Et Seb, toi par exemple, c'est pareil, dans ta playlist, t'as des musiques de jeux vidéo que tu réécoutes plusieurs années après, que tu continues d'écouter? Pas spécialement en fait, à part quand c'est des artistes. Les jeux avec des artistes qui ont été utilisés dedans, si c'est des artistes que j'écoutais déjà ou que j'ai découvert par ces jeux, il m'arrive de les écouter, de continuer à les écouter. Mais des BO de jeux vidéo, pas spécialement en fait. Non. Et ou bien même des jeux auxquels vous n'avez pas joué et vous aimez les musiques, vous écoutez les musiques, non? Save, non? J'en ai pas en tête là nécessairement, non, je crois pas. Non. Si moi j'en ai. Par exemple, le Hotline Miami. Ouais. Voilà, où les bandes son sont excellentes. Excellent. Très bien avec le jeu, je compte en parler justement. Et ça, c'est c'est des zik qui s'écoutent bien à côté, sans perturbateur. Voilà. Carpenter Brut. Et Carpenter Brut, sans les citer, ouais. Ils font des morceaux exceptionnels. Franchement. Ah, je suis comme toi. Ils collent vraiment. Enfin, tu as joué un petit peu. Non, moi, j'y ai pas joué, mais j'ai téléchargé. Enfin, j'ai. Parce que ça légalement, hein, les albums. Avec la nervosité du jeu, les musiques avec l'alcool, vraiment. Quoi, la bonne musique pour aller justement aller bosser dans la bagnole. Ouais. Ça t'es bien remonté ouais. Quoi, quand t'arrives au boulot. Bah dans le style, moi je citerais la musique de Fury, le jeu français de. Ouais, le jeu, enfin, c'est le court-métrage. C'est le court-métrage, c'est Fury, non? Non, c'est pas Kung Fury, c'est. C'est pas Kung Fury. Non. C'est pas le truc avec David Hasselhoff, c'est. Ah ouais. Non, Fury, c'est un jeu en fait. C'est un jeu hyper dur où tu affrontes des boss. Oui, je vois. Ouais. Et les musiques. Pas mal colorées. Excellente. Vraiment. Écoutez-les. C'est un jeu assez dur à la base avec des couleurs un peu flashy. C'est ça, ouais. Il a des cheveux bleus. Blanc. Une tenue un peu rouge, je crois. Bleu, blanc, ouais. Il est habillé en bleu et il a les cheveux blancs, je crois. Et ouais, c'était sympa. Les musiques de Fury, écoutez-les, je vous les conseille. Comme Nier Automata, pareil, c'est un autre jeu que j'ai pas fait et les musiques sont extraordinaires. Oh, superbe, vraiment superbe. Et rien que le premier Nier, les musiques étaient vraiment exceptionnelles. Déjà. Ouais. Et bah, Spunks, c'est encore des jeux? Ouais, bah pour continuer, après les Hotline Miami dans le même style, il y avait la bande-son de Far Cry Blood Dragon. C'est vrai, c'était marrant. Ouais. Avec la plupart des morceaux, je crois, c'était composé, c'était Power Glove, qui est un groupe. Franchement, les zik, elles sont terribles. Mais c'est leur nom, quoi. Ça collait, c'est ça veut Power dire. Glove. Ouais. Mais ça collait vraiment à l'ambiance du jeu et tout. C'était un jeu décalé, bien second degré, où tu t'amuses vraiment. Et la bande son, elle faisait beaucoup aussi. C'était un peu un mélange de rétro moderne. Voilà, exactement. Exactement. Donc ça, c'est une bande son que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est cool parce que je me citais des jeux que je connais pas et je vais me ruer après sur les musiques pour écouter ça. C'est toujours sympa. Ah, t'as une bonne ambiance. Hein. Il y en a deux, trois. Ça collait vraiment. Et ça, ça m'arrive de l'écouter de temps en temps sans forcément jouer au jeu. Quoi. Surtout la musique de la scène de sexe pixelisée entre le héros et la russe là. l'espionne. Ça te rappelle des souvenirs, hein, ça est très lointain. C'est surtout que cette scène, elle m'a tellement fait marrer que... Avec les pixels. Ah ouais, non mais c'est, voilà, c'est tellement kitsch, mais c'est fait pour... Et justement, t'as la petite musique avec le petit saxo derrière. Vieux boulard des années 80, quoi. Ça a été, c'est vraiment excellent. Allez, on continue le tour de table, ça, et puisque tu l'ouvres encore une fois, vas-y. Je voulais faire un petit parallèle, justement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que l'importance de la musique, en tout cas le développement de la musique dans le jeu vidéo, a eu un déclic à un certain moment. Et je pense que ce déclic, il a eu lieu en 96-97 avec l'arrivée de la PlayStation. Et pouvoir mettre justement la musique... grâce au CD, ouais. Et à mettre justement autre chose que des bip-bip et que d'utiliser les processeurs musicaux des consoles. Là, ils pouvaient mettre justement les musiques. Avant, ils étaient limités aux bits. Surtout la Mega Drive, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il y ait eu des très très très belles œuvres qui ont été faites sur les 16 bits ou les 8 bits, hein, comme tout à l'heure je parlais de FF6 ou des trucs comme ça, il y a des trucs vraiment magnifiques. Mais je trouve qu'il y a quand même un déclic et... une facilité peut-être pour les développeurs de pouvoir mettre tout ce qu'ils voulaient en fait sur le CD. Et je me souviens notamment des musiques des Wipeout, ouais, qui étaient directement gravées sur les CD en fait. Il y avait la première piste, c'était le jeu, et oui, tout le reste, en fait, tu le mettais dans ton lecteur CD et t'avais la bande son du jeu. Exact. Intégralement. Ah ouais, c'est vrai. Et ça, c'était vraiment génial. Les Chemical Brothers. Mais, oui. Mais attends, ouais. Tu me rappelles un truc là. Des fois, il m'arrivait de mettre des CD de PlayStation dans mon lecteur CD. Parce que tu pouvais lire les tracks des chansons. C'est vrai. Ouais, c'est ça, il n'y en avait pas qui le faisaient. Hein. Ouais, ouais, et des fois, je sais plus, il y avait un MotoGP ou un MotoRacer, il y avait des morceaux aussi assez remixés de rock et tout qui étaient cool. Et les Formula One. Les Formula One aussi. Tu avais aussi les pistes sur les CD et c'était des bons vieux rock à la Satriani un peu. Ça passait grave bien. Et donc, justement, je pense que la PlayStation, en tout cas l'apport du CD dans nos consoles, ça a vraiment. Fait une expansion en fait des délires musicaux des gens. Après il y a encore des Irduti pour FF7 en fait, où ils sont restés dans la musique vraiment très synthétique et pas du tout analogique, quoi. Ah, c'est très juste ce que tu dis, parce que la Play, c'est pas que la 3D, hein, ça a été surtout les vraies musiques, les chansons aussi, hein, avec des voix. Ouais. Moi je me rappelle de Tenchu, l'intro de Tenchu chanté, c'était une des premières fois que tu entendais une chanson dans un jeu vidéo en fait. Ah, elle est magnifique en plus, hein. Enfin la musique d'intro du premier. Voilà. Ah, il était super dur. Tenchu. Donc c'est pour ça. C'était trop bien Tenchu. Toute cette époque là, justement, il y a tellement de bons trucs, tous les Wipeout, comme je disais tout à l'heure. C'était une belle époque. On aurait voulu. Et c'est clair, j'ai rejoué moi Wipeout, là, j'ai rejoué un petit peu là et. Franchement, avec les Zik, quand t'as le casque, mais t'es vraiment dedans, hein, il est génial quand même. Tu fous, toi, tu dois me dire quand tu joues à Wipeout. Ouais, on sera une course, un de ces cas. Je m'entraîne pour pouvoir te battre. On fera une battle, donc c'est celui qui tue l'autre, donc c'est pas la peine de... Ouais, il faudra qu'on se fasse une petite course, on l'a tous, je pense qu'on peut faire une course ensemble sur multijoueur, ça serait cool. C'est vrai que les musiques sont classe. Voilà. Mais moi, sur Wipeout, j'essaie tellement écouter les musiques que, en fait, je me fais ma propre playlist. Et comme ça, j'ai vraiment des musiques un peu décalées aussi, parfois. Ça vous arrive de le faire, ça, d'enlever les musiques Rock et de voisine. Mettre vos propres, vos propres musiques? Say, non? Oui. Demis Roussos. Ouais, avec Wipeout, ça passe plutôt bien. je l'ai fait et je crois que j'en ai déjà parlé pendant un podcast, justement, dans les moments de grâce que tu as dans les jeux vidéo. Et j'avais parlé de ce moment dont je me souviens encore, hein, c'était sur GTA San Andreas, et j'avais mis les musiques de Ghost in the Shell. Ah oui. Et je me souviens d'un moment, je sais pas, c'était magique, c'était le bon son, le bon moment où je décollais en fait avec un Boeing comme ça de la piste de San Andreas. T'avais le soleil qui se couchait au loin et t'avais la musique de Ghost in the Shell dessus, c'était parfait, le moment parfait. Et je m'en souviens encore, et donc ça, pour les jeux justement en monde ouvert comme ça, et surtout les vieux jeux en monde ouvert, Au bout d'un moment, quand t'en as marre d'écouter du rap à deux balles, ben, du coup, tu te mets de la vraie musique. Ouh là là là là. Du rap à deux balles, du rap à deux balles. Attends. Je tiens à dire que quand même, non, les GTA, il y a quand même eu des bonnes bandes-son avec des radios de tous les styles. Donc arrête de dire des bêtises et des sottises. C'était pour te chercher. Mais ouais, du coup, en fait, mais c'est vrai que je mettais du coup ma musique sur ce jeu-là. Mais c'est vrai, tu fais bien de le rappeler, Spank, c'est que les GTA, enfin en termes de bande son, ouais. C'est varié, c'est du lourd. Enfin, c'est l'orgie. Hein. Tout, et t'as tout ce que tu veux dedans. Michael Jackson, quoi. Dans un jeu vidéo. Ouais. Ouais. T'hallucines. C'est sympa aussi quand t'as des jeux dans ce type-là qui reprennent des musiques d'époque comme le Mafia 3 qui se passe, je sais plus, dans les années... 60 40, Mafia 3. Non, putain, 70. Ouais. C'est le 2 qui se passe dans les oui, années... Oui, 70, 50. Exactement, c'est ça. Et du coup, t'as de la BO qui est en fonction, justement. C'est que des morceaux des années 70, c'est super sympa. T'as Django Reinhardt dedans. T'as plein de trucs comme ça. Ouais, t'as du Mendoc, c'est ça. Non, ça aussi, c'est pareil, c'est vraiment bien. Je suis le boulet. De quoi ? Non, je disais Django Reinhardt, mais en fait, non, c'est dans Mafia 1 ou Mafia 2, je crois qu'il y a. Ça n'a rien à voir. Ok. Voilà, enchaînons. Je reviens juste sur un truc que t'as dit, Demis Troussos, Aphrodite Child, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Ouais, je sais. Mais ouais, Evangelis, t'inquiète, voilà. J'aime bien, mais. c'était le premier nom, tu sais, ça me paraît assez ringard pour Wipeout, donc allez, pourquoi pas. Why not. Allez Seb, avec ta liste de 150 noms, continue. Bah attends, je réponds à ta question d'abord. En même temps, nous arrive-t-il de changer la musique d'un jeu? Alors, moi j'ai commencé à le faire il y a longtemps en fait sur l'ordinateur. Quand je jouais à Quake 3 Arena et Unreal Tournament, je mettais de la musique en même temps avec un autre logiciel. Musique classique, ouais, pourquoi pas. Non, justement, c'était de la musique qu'on voyait bien, comme ça tu fraguais en même temps, t'étais à fond, et ça défoulait en fait, c'était bien sympa. Et maintenant, il m'arrive de le faire, mais soit sur des jeux où la musique me saoule, soit parce qu'il n'y en a pas beaucoup, où elle est répétitive, où j'aime pas, voilà. Soit dans des jeux de course, en fait, souvent. Ou Rush par exemple aussi en VR, pour citer un jeu VR. Mmh. Voilà, ce type de jeu, mais après des jeux avec de l'action, de l'aventure ou RPG, je le fais pas spécialement. Voilà, et pour continuer ma liste, tu avais cité tout à l'heure un jeu indépendant, Pierre, et je vais en citer un aussi. Qui a une très bonne bande son, je sais pas si vous l'avez fait, il s'appelle Transistor. Ah, t'en parles souvent. Il est. Non, de quoi ? C'est la dernière fois, je crois que t'en parles, Transistor, non ? Non ? Pas du tout. Ah, pardon. C'est la toute première fois. J'y ai pensé, mais j'ai pas osé. et Transistor, en fait, donc c'est un jeu développé par Super Giant Games, et qui est sorti sur PS4. Switch aussi, je crois. Et c'est vraiment c'est une bande son personnalisée par un artiste en particulier que je ne connaissais pas. Et la BO est bien sympa, ça fait un peu penser à du Massive Attack, ce genre de choses. Et voilà, c'est cool. Encore quelque chose à chercher sur YouTube. C'est ça. Et le jeu est gratuit sur le Epic Game Store. Mais je crois qu'il le sera plus en fait quand on diffusera l'émission. Donc dommage. Bon, bah désolé. Pour le dernier jeu, avant de citer ceux avec les artistes, je dirais. Alors peut-être qu'il vous a pas marqué, mais moi j'aimais bien l'ambiance qu'il dégageait aussi. C'était Premier Medieval sur PlayStation 1. C'était un petit côté un peu Tim mystérieux. Burton, oui, très Tim Burton. Voilà, ouais. C'est peut-être pour ça. Mm-hmm. Et j'aimais bien les musiques de ce jeu-là aussi. Ah, t'as raison, j'avais oublié. Ouais. Qui va être d'ailleurs refait. Remasterisé, voilà, cette année. Tout à fait. Enfin, pas remasterisé, non. Comment on dit déjà Remaké. Voilà, remaké. C'est pas beau, hein, ouais. Mais je crois que c'est ça. Il va avoir un remake, ouais. Et que d'ailleurs on aurait espéré en VR aussi, parce que ce serait super en VR. Ça aurait bien pu le faire. Hein. Ouais, j'y crois pas trop. Pourquoi pas. Ouais. Bah... Sinon, j'adore Quantic Dream aussi. Voilà, je tenais à le dire. Parce que tu as cité Heavy Rain aussi. Ouais, d'accord. J'aime la glace à la vanille. Je sais pas, non, d'accord, c'est quoi là? C'est ça. Ce qu'il raconte. Je sais pas. Quantic Dream, ça, ouais. Ok. C'est bien. Allez, on continue la liste. Je la complète. Vous vous souvenez de la musique de Batman Arkham? Ah oui. Batman. Non, la musique des trois jeux, ou quatre jeux plutôt de Rocksteady, enfin trois jeux de Rocksteady, Arkham. Puis Origins qui a été fait par un autre studio. Et les musiques sont quand même extraordinaires, surtout celle du dernier. Vraiment, elles n'ont pas à rougir de celle du film. Je vous les reconseille. Pas marqué. Non plus. Oh. Je les ai tous terminés, je les ai vraiment adorés, mais... pas marqué par voilà, il passe après Batman le défi de Tim Burton et ses musiques complètement incroyables de Danny Elfman. Alors après tout ce qui est Batman, si celui du Dark Knight était bien pour le thème du Joker avec les petits violons comme ça qui montaient un petit peu pour montrer un peu le côté fou du perso, mais les musiques des jeux Arkham, La dernière musique du dernier. Voilà, réécoute là. C'est un peu pompeux quoi, mais c'est du Batman quoi, bien gros, bien badass, mais un peu baroque, bien sombre et humide. Ouais, mais ça reste un très bon souvenir de musique pour moi. Bon. Okay. Monsieur Spunx, une bonne grosse musique d'un bon gros FPS, non? Un beau gros FPS. Non, non. La musique de Firewall qui est exceptionnelle. De Firewall Zero Hour. Ah et ça y est, je vous ai tous coaché. Bah oui, la musique qu'on a tous coupée là. Ah oui. bravo, c'est vrai. C'est vrai que la musique qui te gueule dans les oreilles quand tu lances le jeu et que t'entends pas tes potes. Celle-là. Ouais, voilà, et qu'on peut pas baisser. Donc voilà, si vous nous écoutez, les développeurs, on a coupé la musique du menu. Ah, je sais pas si, plus de respect. Si ça vous a fait ça, mais au début, la musique, les deux premières fois, je suis là, ouais, elle est trop bien, super. Puis après, j'en pouvais plus comme vous. Non, mais en plus, elle est pas mal, mais elle est trop forte en fait. Ouais. Enfin, je pense que c'est ça en fait, ça nous agresse les oreilles à chaque fois. Après, on est en groupe, à chaque fois, on joue à plusieurs, on s'entend pas. Voilà, donc on l'a tous coupé. C'est dommage, non, mais elle est pas mal. Hein. Mm. Elle est pas mal en plus. Voilà, mais je sais même plus à force d'ailleurs, parce que je les ai coupés comme toi. Mais faudrait que je la réécoute. Il y a des musiques dans le jeu quand tu joues. Je me souviens. Ouais, hein. Ah ouais, quand même. Hein. Je crois pas. Hein. Je ne crois pas. Non, pas dans le. Pas qu'on joue en soi-même. Non, le son est beaucoup trop important en fait. C'est ça. Hein. Donc si tu veux te repérer, tu peux pas. Si t'as de la musique. C'est ça. Derrière. C'est clair parce que en VR, t'as intérêt d'être attentif au son. Non, c'est juste dans les menus, la musique. Ouais. Ok. Et après, en FPS, non. J'ai pas de souvenirs comme ça. Non. De quelque chose, de musique. Non, Doom, non, pareil. Pas comme Seb. Si, Doom, j'avais beaucoup aimé. À l'époque, j'étais un grand fan de Doom. Ouais. Doom 1, Doom 2, Final Doom, j'ai un peu joué à tous. Même si j'en ai fini aucun. Parce que trop dur. Trop dur. Mais et Doom VFR. Doom VFR, franchement, la bande-son, elle était bien parce que c'était bien nerveux. Ouais, si, pendant les combats, c'était bien. Hein. Non, il est bien avec les ralentis et tout. Elle est bien, la dernière BO de. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, des deux premiers Doom. Alors, tu sais, à chaque fois, je me fous de ta gueule, Spanx, parce que tu joues au FPS à la manette. En disant ouais, sur le clavier c'est quand même vachement mieux, mais en fait les Doom je les ai fait à la manette parce que je les avais sur PlayStation, sur la première PlayStation, et c'est vrai que ce qui m'avait marqué en fait dans Doom, plus même que la musique, c'était les sons qu'il y avait, les râles des monstres derrière les murs que t'entendais, des portes qui s'ouvraient au loin, et t'avais espèce de spatialisation en tout cas que tu t'imaginais comme ça pendant que tu jouais au jeu, qui était vraiment ultra prenante quoi. Je confirme. T'entendais des bruits bizarres derrière les murs et tout, ça grattait, ça. En plus, t'étais vraiment paumé seul au monde hein, dans ce jeu-là. Et ça m'avait marqué justement sur la version PlayStation en tout cas. Tiens, ça me fait réagir justement. Ouais. Vous avez vu que la PS5, elle proposera d'office un son spatialisé même en flat. Comme le PSVR en fait. Et vous voyez, vous, un intérêt en flat J'attends d'écouter. Dans le même genre, je ne sais pas si c'est la même technologie, mais j'avais été vraiment impressionné par le son qui sortait de la 3DS de Nintendo. La qualité du son, et j'avais l'impression, des fois, en fait, c'était peut-être juste un jeu de la stéréo, que le son était spatialisé, justement, sur une petite console portable à la con. Et donc, je ne vois pas trop comment ça fonctionne, si c'est qu'une impression ou quoi que ce soit. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner sur une télévision avec la PS5. C'est clair. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais ils travaillent sur des petits logiciels audio 3D qui te donnent un peu ces effets de spatialisation. Enfin, tout est travaillé de toute façon. Puis ils savent ce qu'ils font, quoi. Ah oui, bah ça c'est sûr. Mais pour une petite portable, c'est vrai que ça rendait pas mal, ouais. Et tu vois, le son, t'avais pas l'impression comme les vieilles consoles où le son sortait de deux petits potards devant. Quand t'as la 3DS en fait dans les mains, tu sais pas d'où vient le son. T'as l'impression qu'il est vachement aéré, très clean et vachement diffus. Ouais, c'est, y avait une bonne spatialisation, c'est ça. Ouais. Mais les enceintes étaient devant, ouais. T'avais deux trucs devant à gauche, à droite. Mais... Alors peut-être que sur la technologie qui va être utilisée pour la PS5, ils vont aussi utiliser ça, mais je suis très curieux. Oh non, ce sera encore autre chose. C'est plus évolué. Là, c'était le type d'enceinte qui a été travaillé pour avec le logiciel audio, je pense. Ouais. Là, sur la PS5, c'est un logiciel simplement, mais un truc bien plus élaboré, parce que c'est tout nouveau, a priori. Mmh. Ouais, mais c'est étonnant, parce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'allumer votre casque PSVR et de commencer à jouer, ou de pas bien être en face, ou même avant de jouer, vous avez votre son qui est déjà spatialisé. Et en fait, vous entendez tout à droite, ou c'est un peu... Ça m'est jamais arrivé, ça. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais c'est normal, parce que t'es pas en face complètement. Si tu te remets bien en calé... Ouais, voilà. Oui, si tu tournes la tête à gauche de l'écran du menu... Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire sur PS5 avec ça. Voilà, c'est une petite parenthèse. Ils sont trois, ouais. Ok, revenons à notre mégaliste, si vous en avez encore. Alors... Il y en a tellement. Vas-y, c'est... Il y en a tellement. C'est clair. Mais il y en a tellement, en fait, c'est... Là, le podcast, il va durer à peu près, à peu près 25 heures. les musiques d'Ico, Shadow of Colossus aussi, et donc toute cette série-là, qui sont magnifiques. Tout à l'heure, je vais te faire du name dropping, ça ira plus vite. Tout à l'heure, tu parlais de Mafia 3, Seb. Ouais. C'est Mafia 1 et 2, et surtout les thèmes d'intro de Mafia 1 et 2, qui sont des envolées symphoniques. C'est des musiques de films en fait, hein, tout simplement, et ça tue. T'as les Viet Cong, les jeux Viet Cong, je sais pas si vous vous souvenez, c'est des vieux FPS qui avaient sur PC. Et c'était l'intro, c'était c'est sur le 1 et le 2, c'était de la musique un petit peu à la Hendrix en fait, à la gratte, vraiment style Hendrix. Donc ça te plongeait directement dans l'ambiance 70s, ça passait super bien. Qu'est-ce que t'as d'autre? Enfin, t'as tellement les musiques de Bioshock, j'adore. Il y en a trop en fait. Seb, vas-y, continue. T'en as d'autres? Moi. Ouais. Alors, en faisant du name dropping aussi, comme c'est. Je vais en citer deux derniers. Des jeux avec des artistes, pour le coup. Par exemple Last Day of Dune, qui est en fait Stephen Wilson. Oui. Tout à fait, c'est merci, Stephen Wilson. Merci de parler de mon dieu. C'est Stephen Wilson, donc le leader de Porcupine Tree à la base, mais qui est connu aussi en solo sous son nom Stephen Wilson. Et voilà, c'est des morceaux de ses albums à lui en fait qui sont utilisés en version instrumentale ou pas. Pour illustrer ce jeu, c'est pareil, je sais plus comment elle s'appelle, c'en est une qui avait créé ce design du jeu pour un clip de Stephen Wilson, et ils ont repris en fait le design pour faire Routine. Un jeu complet. C'était pour Routine. C'était pour Drive Home. Ah ok. Mais la chanson Routine est très bien. Et en fait, ils ont repris le bonhomme de Drive Home dans le clip, et ils en ont fait un, Ils ont repris la pâte graphique, ils en ont fait un jeu qui est tout mignon, assez touchant, voilà. Et les musiques sont très bien. C'est un très bon artiste, Steven Wilson. Alors, si je peux me permettre, moi, évidemment, je suis un gros fan. Je connais tous les albums par cœur et puis les morceaux, je les écoute vraiment régulièrement. Et j'ai joué à Last Day of June parce que c'était Laurent qui m'en avait parlé justement en podcast. Et donc, du coup, je me le suis fait quelques semaines plus tard. Avoir une musique, enfin, découvrir une musique avec un jeu, ça te. Tu t'identifies justement le morceau au jeu et à l'ambiance du jeu. Là, en fait, pour ce jeu-là, ça a fait le côté complètement inverse chez moi, c'est-à-dire que je connaissais tellement les morceaux que du coup, peut-être le jeu m'a moins touché, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, je connaissais tellement que j'étais content de les entendre dans un jeu, je trouvais ça vraiment cool, j'avais pas besoin de mettre le CD comme ça pour pouvoir écouter les morceaux. Mais du coup, ça m'a un petit peu détaché de ce jeu qui est très narratif et qui est très émotionnel justement aussi, très tristoun quoi. Du coup ouais, ça a eu l'effet inverse en fait, le fait de connaître les morceaux à l'avance en fait ça m'a sorti du jeu. Ah merde. Ah, c'est rare ça quand même. Alors que j'adore les musiques et que le jeu est super beau, hein. Enfin, c'est un bon petit jeu quoi. Ah bah tant qu'on en parle, vous avez des jeux en tête dont vous trouvez la musique qui n'est pas du tout adapté ou que vous n'aimez pas, tout simplement. Il y a des jeux, la musique, ça vous a vraiment saoulé, mais à un point, à part Firewall, donc, Spanx. Là, j'en ai pas en tête. Mais En VR, il y en a plein. Ouais, après, c'est ce qu'on a eu, mais. Pardon. Nul Arsenal. Non, j'en ai pas en tête comme ça. Bon, après. Les goûts et les couleurs, hein, c'est sûr, mais... Ouais, ouais, je vais te proposer plutôt le contraire, Sillon, ça te dérange pas, c'est... Ah. Les jeux de merde, ouais. Avec des super musiques. Ah ouais, vas-y. Ah bah, je sais déjà qu'est-ce que tu vas dire. Ah ouais, ouais. Tu crois Thierry, FF13. FF13, qui est un des seuls Final Fantasy que j'ai pas terminé tellement il m'a saoulé. Et pourtant, il y a une des plus belles musiques, je trouve, de boss. La musique des boss, dans FF13, le tout premier. Je la trouve vraiment géniale. Elle monte comme ça, elle est super épique, elle te prend au trip, elle relève tout. Enfin, vraiment, ce morceau, c'est ce genre de morceau que je me réécoute comme ça, sans jouer au jeu. Alors que le jeu est tout pourri, quoi. Enfin, le jeu est niaiseux, quoi. Alors, cette musique, elle sert vraiment du lot. C'est très étonnant. Avec les Final Fantasy, malheureusement, on va dire l'emballage. Bon, et la coquille est de plus en plus vide, hein. C'est ça. Et c'est bien dommage. Ok. Moi, je voulais juste citer encore The Witcher 3. Les X sont quand même, bon, c'est dans un style particulier, mais je les conseille. Je les réécoute encore régulièrement et j'ai pas fini le jeu, je dois le dire. Voilà, je vous conseille aussi The Witcher 3. Avec des noms imprononçables. Pribilowski, Zik, Strunski, des noms. Des compositeurs. Ah, c'est des Polonais. Bah, voilà. C'est des Polonais. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'elles sont très belles. Ouais. Les thèmes sont vraiment bien choisis. C'est fait limite. Mais en vrai, médiéval, fantastique, quoi, comme le style du jeu. Donc, ça passe parfaitement avec le jeu. Je trouve. Bon, des derniers titres à citer. Spanx, Sei. Ben, moi j'en ai un dernier, mais Spanx, vas-y, tiens, t'as pas parlé dernièrement, si tu veux. Non, j'en ai pas. D'accord, merci pour cette intervention. Merci beaucoup, Spanx. Merci de m'avoir filé là. Non, vas-y, je t'en prie, Seb. Fais-toi plaisir. T'en as encore 49 à dire. Donc. Non, j'en ai un. Et en plus, c'est bien de le garder en dernier parce que. Donc lui, pour le coup, c'est quelque chose d'assez futuriste. Et la BO est géniale, c'est un artiste, un groupe que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis longtemps aussi. Et c'est un jeu qui va être compatible VR très bientôt. Oula. Vous avez attends, pas trouvé No Man's Sky. No Man's Sky, tout à fait. Et en fait, le groupe, c'est 65 Days of Static. Mm-hmm. Et en fait, ils font un mélange d'électro-post-rock. Et c'est super cool, et en fait ils ont fait donc la BO de ce jeu. Donc là ça a été réfléchi, et dans la BO t'as un peu deux aspects. Tu vas avoir un CD où là c'est que des musiques comme ils les font d'habitude, et un autre CD où ils sont plus dans les ambiances. Parce que bon, si c'était des morceaux tout le temps voilà, dans le jeu, ce serait peut-être un peu saoulant, même si on aime les morceaux. Et du coup là comme ça alterne, et la BO est vachement bien, et donc ils ont un album qui s'appelle No Man's Sky, avec ces deux CD là. C'est super cool. Si vous connaissez pas, c'est instrumental. Donc. On découvrira ça au mois d'août. Hein. Et encore une petite chose aussi, je sais pas s'il y a des bandes annonces de jeux vidéo qui vous ont fait découvrir des artistes grâce justement à une bande annonce qui tape quoi. C'est fait pour être efficace. Ça match tout de suite. Et moi, dans ce genre là, en fait, je me souviens de la bande annonce de Far Cry 2. À l'époque, et ça m'a fait découvrir Rachid Taha. Il y avait le morceau, ça s'appelait Barabara, qui était sur cette bio. Un mélange rock, musique orientale et tout, avec la voix un peu éraillée, cassée de Rachid Taha, qui passe grave bien. C'est un monument d'efficacité rock, ce morceau-là. Justement, ça m'a fait découvrir cet artiste, et j'ai réussi à me replonger dans sa discographie grâce à la bande-annonce de Far Cry 2. Donc, encore un jeu vraiment pas terrible, avec une bonne bande son. Ok. Je prends encore des notes. Hein. Et ça vous est jamais arrivé, ça, justement, de découvrir des artistes, justement, grâce à la musique de jeux vidéo? C'est peut-être arrivé, ouais. C'est vrai que ils font ça pour les jeux vidéo, ils font ça pour des bandes annonces de films aussi. Mmh. Et des fois, ouais, ça peut te permettre de... Tu Shazam. Tu fais, ouais, un petit Shazam. Ouais, c'est ça. Et puis, hop. Ouais. Ou pareil, Bioshock Infinite aussi, ça m'a fait découvrir aussi le groupe Nico Vega, parce que c'était le morceau Beast qu'il y avait sur la bande-annonce. Pareil, c'est mortel, quoi. C'est vraiment mortel. Et du coup, je me suis tapé toute leur discographie, et voilà, maintenant je suis un gros fan, quoi, grâce à Bioshock Infinite. Eh ben, je connais pas. Comment s'appelle le groupe allemand qui avait fait une des premières chansons dans Final Fantasy X? Tu te rappelles? Oh, non, c'était pas un groupe allemand, c'était pas Rammstein. Non, c'était pas eux, ça faisait penser, mais c'est bien une composition d'Imatsu. Ouais, le vieux BP avec sa moustache, il fait quand même du bon gros son qui tâche. Et non, c'était un groupe japonais qui avait composé et joué ce morceau-là. Enfin, pas composé, mais joué ce morceau-là. Ah, ok. Le morceau de l'intro avec le... En gros, c'était ça, les paroles. Hein. Et ouais, il était bien aussi, ce morceau. Bah, c'est comme ça que j'avais un peu découvert, parce que c'est vachement dans l'esprit, quoi. Et c'est sympa quand t'as des compositeurs comme ça qui sont appelés aussi de groupe ou autre pour faire de la BO d'un jeu. Et du coup, ça donne une patte particulière aussi. Il y avait eu par exemple le tout premier Quake, je crois, c'était Trent Reznor qui avait fait la Nine Inch Nails, ouais. Du coup, c'est très particulier, mais ça fonctionne bien, quoi, avec Quake. Oh, voilà. Okay. Je vais juste parler d'un dernier. Je suis saoulant, je suis désolé, Sillon. Je vais juste parler aussi de la bande son de Crayon Physics Deluxe. C'est un jeu que personne connaît. C'est un vieux jeu PC. Même Google ne connaît pas. Ah, même Google, je pense qu'il connaît pas. Ouais, je l'avais acheté, mais il y a longtemps. J'habitais encore chez mes parents, pour dire. Et en fait, c'est. Il n'y avait c'est pas un, internet. C'est un jeu, en fait. Pardon. C'était difficile, quoi. Internet, c'était du 512K, quoi. Enfin bref. Et en fait, c'est un jeu, en fait, où tu dessines, tu sais, t'as des tableaux, t'as une page devant toi, et tu dois amener une petite balle dans un trou. Et pour ça, en fait, t'as un crayon, en fait, et donc tu, avec ta souris, tu dessines quelque chose, et t'as une physique, en fait, tout ce que tu dessines, par exemple, retombe au sol. Et tu dois donc amener cette petite balle vers l'objectif. Et c'est un truc bête, hein, mais il y a trois morceaux dedans. Et j'en parle, j'en profite, comme ça je pourrais mettre pendant le montage, ouais, le morceau, et je me fais plaisir. Et ces trois petits morceaux, mais ils sont super beaux, ils sont super jolis. En fait, c'est des musiques presque qui paraissent complètement décalées par rapport au style du jeu, parce que le style du jeu, bah, ça a l'air un peu, pas austère, mais tu vois, c'est un jeu de puzzle un peu bateau, quoi, même s'il a des bonnes idées, même si c'est un très bon jeu de 1983. Mais... Mais non, non, non, c'était quoi, 80... Fin 90, quoi. Non, non, non, début 2000. Début 2000, quand même, début 2000. T'es un Tanguy, toi, t'es parti tard de chez tes parents. Non, je me suis barré au début de la vingtaine. Hein. Je suis tranquille. mais non, non, mais c'est trois petits morceaux. Bah, toujours tendresse. Et ouais, c'est trois petits morceaux justement, mais ils sont vraiment, ouais, ils sont tellement beaux en fait que tu te demandes ce qu'ils foutent dans un jeu comme ça, quoi. Donc voilà, ça, c'est certainement en train de passer là, et donc du coup, je dirais ce que vous en pensez. Ah bah c'est cool, on va découvrir voilà. Plein de musique, je pense. Ça c'est toujours, moi j'aime bien de redécouvrir d'autres musiques parce que des fois. Quand c'est pas ton genre de musique, tu vas pas être curieux et là je me suis fait une petite liste avec tout ce qu'on m'avait dit, là je vais regarder de mon côté. C'est toujours sympa. Tu nous feras un retour du coup, tu nous rediras. Bah ouais, mais surtout que les bons goûts en général, hein, Team Musicos. Ou tu sais les. Parle pas trop tôt. Hein. On parle pas trop tôt, c'est la musique, hein, c'est. Chacun ses goûts. Oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi, comme on disait, tout l'aspect nostalgie, le lien aux jeux vidéo, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ça fait plaisir. Bon, messieurs, si on a fait le tour, à moins qu'il y ait encore des derniers jeux à évoquer, oui, non. Il y en a tellement, on peut pas faire une émission de Camille, c'est sûr. Il y a plein. Ah ouais, aussi, un truc sympa. Hein. On va maintenant passer à la dernière partie de l'émission, la petite surprise, c'est qu'on va faire un blind test. Pour voir si vous y connaissez. Yeah. Alors, on va la faire à l'hardisson. Salut les Vériens. Salut. Yeah, ouais. Les musiques de jeux vidéo, tout le monde en parle. Alors, on va faire un blind test consacré aux musiques de jeux vidéo PlayStation VR. Ouais. Yeah. Tu vas faire le geste à chaque fois, c'est le truc avec la main qui fait là. Ah, ouais, mais vous le verrez pas. Mais je le fais. Hein. Je vous promets, ah ouais, je le fais. C'est con ça. Merde. Ouais. C'est le problème de la radio ça. Alors. Donc qui fait Laurent pour les blagues pourries. Ah bah tu le fais très bien ça, c'est bon. Pas Laurent de Verfour Player bien sûr. T'as des problèmes toi. Laurent, je plaisante. C'est en plus c'est moi qui fais les blagues pourries, je sais, mais d'habitude vous dites que je suis plus un Laurent Ruquier que Laurent Baffy. Qu'un Laurent Baffy, donc voilà. Je sais pas si je ferai la pire. Des serfs. Ouais, mais ils font autant de blagues pourries de temps en temps. Pas de problème. Donc on va s'organiser, on va se préparer pour faire le petit blind test. Messieurs, vous me dites quand vous êtes prêts, on pourra lancer la première musique. Donc ce qu'il me faut, c'est le nom du jeu. Je ne demande pas le nom de l'artiste, hein, ou des artistes, ou le nom du studio. Ouais. Non, c'est le nom du jeu. Je rappelle que ce ne sont que des jeux PlayStation VR qui sont sortis. Il y en a certains vous allez trouver tout de suite, d'autres ça va vous demander un petit peu plus de temps. Et si ça traîne, je donnerai des indices ou pas, ou je les donnerai avant. Voilà. Donc on va commencer quand vous êtes prêts, vous me dites, avec la première. Je suis prêt. Et ça c'est une musique que vous avez tous entendue à mon avis. Okay. Et donc, Seb, tu es avec nous ? Pardon. Ouais. Tu nous dis, Seb, quand t'es prêt. Hein. Il faut que t'aies... Je suis prêt, prêt. Spanks. Donc ça va être parti. La première musique, top. Ah bah Firewall. Firewall. Voilà. Firewall. C'est ça, hein. C'est ça qu'il est en premier ou... Ouais, je crois bien. Ah, ouais, j'ai dit en même temps, je crois bien. Ah, tu commences déjà à chicaner le point. Ok, d'accord. Ah, bah non, bah écoute, si tu veux. C'est enregistré, hein. Donc, c'est enregistré, donc on sort, hein. Mais. Ah, non, il va falloir que tu donnes les points tout de suite. Seb, t'as entendu. Moi, j'ai entendu ça en premier, hein, mais je suis pas sûr, hein. Ouais, allez, tout à fait. C'est ça. Bon, c'était bien sûr la musique de Firewall qu'on entend au début, qu'on aimait bien au tout début, mais qu'on peut plus écouter maintenant. Donc, c'est celle-là, ok. Ah, c'est clair, elle est beaucoup trop forte dans le jeu, bien sûr, tu peux baisser la musique, mais ils ont vraiment fait n'importe quoi. Pas au lancement du jeu, c'est ça le problème. Pas au lancement du jeu. Et du coup, tu te la prends vraiment dans la gueule. Ah ouais, c'est vrai. Bref. C'est vrai. Voilà, on va continuer avec la deuxième musique. Un indice, c'est une intro. Quand vous êtes prêts, messieurs, 1, 2, 3, top. Putain, je vois pas du tout. Pareil. C'est la musique d'intro du jeu. Ah si. Ah attends. PSVR et PCVR. Resident Evil 7. Non, éliminé, c'est. Oh merde. Tu pourras proposer quand les deux autres. Ça marche. Et si on choisit pas. Eh bah. Ah, c'est... Eh bah, je vais continuer à donner des indices. C'est un jeu qui se joue à la manette, le PS Move. I expect you to die. Voilà, ah bah oui. Je pense. Merci. Ah, mais je l'ai pas fait. Ah, bah voilà. Ah, mais y a pas besoin de le faire, il le dit là. Ouais, ouais. Merci. Ah, j'ai pas fait. Oh, mais quel jeu, d'accord. Pas mal. Bah oui. Non, en plus, ça le fait bien. J'avais fait mis pause sur James Bond. Ouais, excellent jeu que je conseille. Enfin, si on aime les jeux de Pulse, très drôle. Mmh. Voilà. Ouais, il est vraiment à faire. Acheter en promo. Très, très, très sympa. Allez, on enchaîne avec la troisième. Alors là, c'est peut-être une épreuve de rapidité, en tout cas pour celui qui l'a fait. Je ne dis pas qui c'est. Quand vous êtes prêts, messieurs, la numéro 3, top. Ah, oui, Eden Tomorrow. Voilà. Quand même. C'est épique, hein. Ça, c'est une technique, hein. Ouais, tu t'es là. Ah oui, je vois tout à fait. Tu sais, tu parles et en fait, tu donnes pas la réponse. Comme c'est ça, tu réfléchis, tu voulais poser la parole. Tu parles très très fort. Eden Tomorrow, ouais, la bande son, je la trouve vraiment super belle. Hein. Super belle, notamment. Ça a l'air chouette, ouais. C'est vrai, c'est vrai, vraiment très très très très, très cool. Bon, bah, deux points pour moi. Mais ils ont eu un orchestre, hein, je crois. Ils ont... Ouais, c'est ça. Carrément utilisé un orchestre de Hanover. Hein. Mais. Voilà, après ça reste quand même un jeu indépendant, toi qui as fait le jeu, c'est... Il n'y a pas un décalage justement entre une musique trop épique, trop généreuse par rapport à un jeu qui reste un petit jeu VR. Ah, je vois ce que tu veux dire, mais en fait non, parce que même s'il y a des petits problèmes de texture, des petits cafouillages, des petits bugs de temps en temps, mais en fait non, la musique elle accompagne vraiment tout le temps super bien le jeu. Que ce soit justement dans les scènes d'action comme on en parlait tout à l'heure ou dans les moments un peu plus d'exploration. Et ce qui est cool en plus, hein, c'est que c'est pas uniquement de l'esbrouf, hein, c'est pas le thème principal est super cool, le reste est un peu pas terrible. Non, toute la bande-son, vraiment, elle tue. Elle est dans cet acabit-là. Ouais. Donc, non. Ouais, elle est bien celle-là. Très bon choix. On va citer le compositeur, il s'appelle Dirk Hilertzwee. Alors bon, c'est pas très allemand comme nom, mais voilà. Effectivement, c'est. C'est une... Salut Dirk. Ouais, voilà, on va l'appeler Dirk. Allez messieurs, on va passer à la quatrième. C'est une épreuve de rapidité, surtout pour Seb. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, top. Rez. C'était dur. Trop facile. Private joke. Alors, d'accord. Tu vas nous dire le titre en entier. Rez Infinite. Voilà. Exactement. Bravo. Donc, ah, merci beaucoup, j'ai beaucoup de mérite sur ça. Ah, c'est pas ma cam ça par contre, ce style. C'est vrai, ouais. De Zik, Boîte de Night. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais dans certaines circonstances, ça se marie bien avec le jeu quand même. Oh, et ouais. C'est ce qui fait toute la richesse de Rez en fait, c'est l'harmonie entre tes actions et la musique. Comme Tetris, ouais. Hein, c'est le même principe finalement. Du coup, comme c'est bien boum boum, je pense que ça doit te mettre dans un état second. Ah bah oui. Assez facilement. Exactement. Bon, on est à un point pour Spanx, deux points pour Sei, un point pour Seb. Et on enchaîne directement avec le numéro 5. Quand vous êtes prêts, messieurs. Prêt. 1, 2, 3, top. Prêt. Skyrim. Ouais, j'étais étonné que ça parte pas. Quand même. Donc c'est la... Jérémy Soul. Voilà. On dit Soul ou Soulé ah. Non Soulé. Non, Jérémy Soulé, ouais, c'est le thème et ça passe bien. Ouais. Ça passe bien. Donc un thème de combat un petit peu là. Moi c'est le thème qui me fait toujours hérisser le poil quand je l'entends. Ouais, t'as mis celui que t'aimais pas en fait. Ouais. C'est vrai que je l'aime plus parce que j'ai peur de voir des araignées débarquer. Comme sur le coin de la gueule. Oula, bon attention, hein, ça y commence à se dégager avec 3 points. À numéro 6, quand vous êtes prêt, et très, très bon, un indice, il y a les bruitages du jeu dans la musique. D'accord. Voilà. Quand vous êtes prêt, 1, 2, 3, top. Thumper. Yes. Oh, ah, j'ai tellement fait jeu, celui-là. Ouais. J'ai reconnu tout de suite. Là, c'est qui a dit là du coup? Parce que j'avais la musique à fond, j'ai pas entendu. Ah bah il faut que tu baisses un peu le son alors. C'est Seb. Attends, c'est le tout premier jeu, l'un des premiers jeux que j'ai fait sur lequel j'ai pris une claque. Je l'ai fait plein de fois depuis, je me rappelle. Si. Surtout que le thème change pas drastiquement du début à la fin. C'est très typé, ouais. Donc, c'est très typé. C'est peut-être un reproche qu'on peut faire, mais bon, c'est une marque du jeu. Ah, voilà, même il a une personnalité. Pas. Ouais. Même pas. Moi, je trouve pas que ce soit un reproche. Enfin, je crois que ce soit un tu sais où tu vas, quoi. C'est vrai. Voilà. Et c'est un jeu que je conseille de, quand vous le faites en VR, de se placer à différents endroits pour d'appuyer sur la touche option pour réinitialiser la caméra, parce que si vous êtes trop près de du scarabée en fait, vous voyez moins bien la route, vous pouvez moins anticiper, il y a moyen de gruger entre guillemets et de céder un petit peu en se mettant plus haut, voilà, je conseille, voilà, si vous avez du mal sur certains passages. C'est vrai. Donc Thumper. Transit, s'appelle LASIK. Bon, on va passer à la septième. Septième que j'aime beaucoup. Quand vous êtes prêts, 1, 2, 3, top. Ça me dit quelque chose, ça. Ah mais oui, c'est sûr, je l'ai fait celui-là. Le titre s'appelle Survival Instinct. On y a tous joué l'année dernière. Attends, c'est l'année dernière? Ouais. Tous? C'est sûr? J'espère. Hein. Ah mais je connais ça, putain. Si vous avez un aim, vous allez jouer. Farpoint, c'est Seb qui marque le point avec Farpoint. Ouais, bravo. Ah, mais je l'ai piqué. Ah ouais, Farpoint, j'avais hésité, mais ouais. Je l'ai pas reconnu en fait. Ouais, je l'ai pas reconnu. Ouais, j'aime beaucoup la musique de Farpoint de Stephen Cox. C'est vraiment, je vous conseille de les réécouter pour faire le jeu avec ses yeux. Bah, c'est ça qui manquait, les bruits, les comme ça. Ouais, ouais, mais il y a. C'est pas, c'est quoi? C'est du violoncelle qu'on entend là? Ouais, c'est ça. C'est vraiment. C'est la marque de la musique. C'est excellent. Mmh, c'est vrai. Ça passe bien avec. Si t'as en plus t'as peur des araignées, ça, c'est nickel. C'est rageant, tu connais le morceau, tu le sais que tu y as joué. Tu connais le morceau, c'est. Et Farpoint, il a presque 2 ans. Ah, il a 2 ans, c'était pas l'année dernière. Hein. Rappelle. Je suis en 2017. Je suis tellement décalé. Ça passe tellement vite. PSVR. Ouais. C'est vrai. C'est clair. Ouais. Allez, on passe à la 8ème. Ex aequo, Seb essaye avec 3 points. Spanks, allez, hein, t'as 1 point, il faut continuer. Je vais te refaire. Ouais, mais je suis pas trop aidé en fait, les jeux là. Mais n'hésite pas à leur couper la parole, fais comme eux. Vas-y. Allez, messieurs, numéro 8, 3, 2, 1, top. Tetris. Yes. Non, c'était pour toi ça. Avec les Indiens. Moi j'ai eu les infos donc j'ai préféré pas dire. C'est bien. Je vais pas abuser. Ils sont bien quand même. Et après les Indiens, on va continuer quand vous êtes prêts avec les Cowboys. 3, 2, 1, top. Dick Wilde. Non, éliminé. Guns and Stories, Bulletproof. Non. Non. Tu as joué pourtant. Spank, c'est tout seul. Merde. Si tu donnes une réponse et que tu te trompes, ils pourront reproposer. Cold Iron. Non. Allez, tout le monde. Un jeu avec des cowboys. Il n'y en a pas 36 000. Non, il n'y en a pas 36 000. C'est un vieux jeu maintenant. Un jeu avec des cowboys et des dinos. Dino Frontier. Yes. Ah. Sphinx remonte. D'accord. Bah elle est sympa en plus. Ouais, elle est très elle est sympa cette musique. C'est quand tu es au coin du feu dans les options. D'accord. Et c'est un morceau chanté quand ouais. tu es dans les options. T'es un ouais. Ah d'accord, bah, c'est cool. Et avec des gags, je conseille, hein, Dino Frontière. Pareil, à petit prix. L'aspect stratégique est d'accord. pas très, très poussé, mais très bon jeu, quand même. Yeah, yeah, yeah. Okay. Allez, on va attaquer la numéro 10 avec un ex-aequo pour tout le monde. C'est pas beau, ça? C'est vrai que c'est tendu, là. Ouais. Mais celle-là, elle est pour toi, Seiya. Allez, 3, 2, 1, top. Anyone's Diary? Yes. Ouais. Très jolie tu musique avais aussi. Dit, ouais, tu nous avais dit que les musiques étaient superbes. Je me suis réécouté toutes. C'est vrai que ça se laisse ça se s'écouter. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment le gros point fort du jeu d'ailleurs. Peut-être même le seul. C'est vraiment les musiques. Hein, sur ce ouais, jeu. Tout à l'heure, t'évoquais les belles musiques de jeux pourris, mmh. ou au moins buggés, sans ouais, rien. Ouais. Enfin, je réessaye hein, celui-là. Ça se trouve, il a été bien patché et tout. Mais c'est vrai que perdre deux fois de suite ça sauvegarde. Bon, ça calme quoi, pour un jeu, bah, ouais. c'est pas. C'est un jeu de deux heures, non? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, faut mieux le rusher d'un coup. Ouais, mais ouais. très très très très belle musique. Donc de Damian Sanchez pour l'info. Ok. Ok, ok. Allez, on revient sur une chanson avec la numéro 11. 3, 2, 1, top! American Dream? Non. Down by the water, there's a place I know where I can catch a break and rest my soul. Sweet ah, cool, summer breeze is blowing. Got a line in my hand. C'est sorti l'année dernière. C'est la musique du trailer aussi. Dans le jeu, on l'entend à travers une radio. Bon, vous pouvez vous planter rapidement parce que je crois que j'ai une idée. Et cette radio est sur une barque. C'est pas du Quail. Eh non. Ah bah voilà. Je me serais planté. Désolé. Catch and release. Yes. Bravo Spanx. Eh hey, Spanx, j'aurais jamais cru, mais t'as 4 mois. Et en plus, la numéro 12, elle est pour toi, Spanx. Cool. Allez, messieurs, on enchaîne direct avec la numéro 12. 3, 2, 1, top. Ça me dit quelque un chose. Jeu ça. PS4 compatible PSVR. Downward Spiral. Borderlands 2. No. Merde. C'est pas Downward Spiral. Et non plus. Ah, ok. Ça me dit quelque chose. Un des tout premiers jeux à être sorti sur PlayStation VR. Ah ok. C'est bon. Purée de pommes de terre. Je connais ça. Quelque chose en tout cas. Je speed. On peut jouer à 8. Enfin. Full compatible. Bon bah Seb, pas de réponse. Écoute, je bug. Alors tout le monde peut participer. Ça fait une minute. J'allais dire F Valkyrie. Et non. Non. Tu y as joué il y a pas si longtemps, Spanx. Proposer ça. Ah, Wipeout. Non, un jeu de voiture avec des roues. Drive Club. Yes. J'ai hésité, ouais. Seb, voilà, j'ai joué il y a pas longtemps, c'est pour ça que me disais, ça me dit quelque chose. Non, mais c'est beau, vous êtes encore tous à égalité, 4 points partout. C'est bien joué. Suspense. Ah, là, la prochaine, elle est très dure. Et attends, petite info. Ouais. Drive Club, il est pas compatible VR, il y a une version VR. Ah, t'as raison. Version non VR. Tu as T'as raison. Sinon, on pourrait jouer avec des motos aussi, non ? Ouais. Je sais pas du tout. Dans la version. Ouais, il y a des motos dans. Tu confonds pas avec The Crew ? Ouais. Ah, t'as raison. Merci de la précision. Un DLC. Mais c'est bien, tu nous fais découvrir des. Elle est cool, celle. Ouais, les musiques de Drive Club, elles sont pas mal. Bon, il faut aimer le genre encore. Hein. C'est la musique électro, mais ça passe ouais, bien. Il y en a des sympas, ouais. Donc, comme dit la prochaine, elle est très dure. Encore que peut-être que vous avez trouvé tout de suite, j'en sais rien. Messieurs, allez, c'est parti. 3, 2, 1, top! On va laisser tourner un peu, hein. On va l'écouter. Moi j'ai fait le jeu, je n'ai aucun souvenir de cette musique. Ok. Ça promet. Je crois qu'on va l'écouter jusqu'au bout. Un jeu récent ou pas ? Non, un des tout premiers jeux aussi. Resident Evil 7 ? Et non, au revoir, c'est... Attends, on est bien à la 13e morceau. Oui. Tu confonds, ça. Ah oui ! Tu vois ce que c'est ? Oui, oui, oui, oui, je vois. Et ben moi, j'ai aucun souvenir de cette chanson. Robinson The Journey. Non, au revoir, Sphinx. Allez, Seb, tu peux le faire ? J'en sais rien, je peux pas. Un des tout premiers jeux PlayStation VR, hein. Vraiment. Ouais. Je sais rien du tout. Bon bah essaye. Rush of Blood. Exactement. Et alors, ouais, si je puis me permettre, c'est pas la musique de Rush of Blood, ça c'est la musique de Until Dawn, originale. Ouais, ah, c'est pas vrai. C'est pour ça. Ouais. C'est dans la première. C'est pas. Mais pourtant, quand je l'ai cherché. C'est bien Rush of Blood, oh merde, ça c'est une erreur. Bah ouais, après c'est la même licence, c'est la même histoire, c'est le même univers, c'est... Ah c'est pour ça que j'ai jamais entendu cette musique. C'est probable. Si tu l'entends au tout début dans Rush of Blood, juste à l'intro en fait, tu sais quand tu arrives, tu vois justement le titre du jeu et que t'as une petite radio et je crois que ça se joue pendant quelques secondes. Ah bah voilà, au bout de 1 minute 30 de musique, on était dedans. Elle apparaît, enfin on l'entend quand même. Ouais, okay. On l'entend vraiment quelques secondes tout au début de Rush of Blood. Sauvé. Voilà, c'est bon. Bien joué, Sai, en tout cas. C'était un bon gros point, ça, parce que c'était pas évident. Allez, on continue avec la 14e plutôt, qui est de Daniel Sadowski. C'était l'indice. 3, 2, 1, top! Bon, carrément d'enfer ce soir, bienvenue à la boîte de nuit. Ouais, c'est... Beat Saber. Ah mais ça va bien avec le jeu, non. Non. Soirée moustache. Le titre s'appelle Annihilation Time. Elle est pas dans Wipeout celle-là ? Non. Bah, c'est vachement old school pour du Wipeout hein, quand même. Hein. Ah, il y a un peu de tout, hein, quand même. Les premiers Wipeout, peut-être, hein, à la rigueur. Alors, c'est un jeu à l'ancienne. Seb, une proposition ? Ouais, j'ai une idée. Merdouille. Comment s'appelle ce jeu ? Le jeu qui fait référence à plein de jeux d'époque où tu as ta Game Boy. Là, je veux voir, ouais. Pixel Rift. Non. Non, c'est ça. Tout le monde peut rejouer. C'est un Beat Them All. Vous y avez joué tous les trois ensemble, si je veux. Bloody Zombie. Yes. Ouais. Bravo. Ah ouais, d'accord. Je me souvenais pas qu'elle était dans ce style-là, en fait, la musique dans Bloody Zombie. Elle est très discrète, en fait. Elle est très en fond, la musique. Mm-hmm. Mais c'est ouais, très rétro. Hein. Mm. Carrément, ouais. Assez drôle. Et donc, ce Daniel Sadowski, vous pouvez le googliser, il a fait pas mal de musique de jeu. Enfin, voilà. Ok. C'est connu. Allez, on continue avec la 15e. On l'a déjà évoqué dans l'émission. 3, 2, 1, top! Là, je vois pas, là. C'est la musique de fin, des crédits. Mais elle commence au bout de 4 minutes, ou... Oui, tu peux dire des conneries, quoi, en ce temps-là. Théseus? Non. Ah, je crois savoir. Robinson? Non. On l'a cité. Resident Evil 7? Eh non, tout le monde peut jouer. On l'a cité dans l'émission? Là, vous allez reconnaître. Descendez d'un ascenseur quand il y a cette musique. Alors là. Oh ouais, je suis. Descendez d'un ascenseur, après vous êtes habillé. Et vous arrivez dans une immense grotte. Batman Arkham. Yes. Ouais. Arkham. Bravo. Tu vois, je sens pas l'esprit Batman. La musique est jolie, hein, mais je. Ah, ouais. Je sens pas le Batman. Enfin, je n'entends pas Batman. Tu vas te calmer, toi. Tu sens un peu le Batman aujourd'hui. C'est... Ah, tu sentais l'amour. Ok, bon, bah. Moi, je trouve qu'elle passe bien. Ah oui, non, mais elle est jolie, hein, mais. Ok. Allez, on va être un peu plus léger alors. Ça va moins sentir le Batman avec la 16e. On va voir si vous trouvez celle-là. Je serais très étonné. Allez, 3, 2, 1, top. Hey, baby. L'autotune, tout ce que j'aime. Ah ouais. Ouais, mais assumé là quand même, c'est pas dégueulasse, ouais, ouais. À la R&B. Là c'est fait exprès. Bah voilà. Ouais. C'est le délire un peu à la. Postal 2. Portal 2. Ah oui. Ou Portal 1. Je vois. Du coup, c'est pas Chromagun, non? Non. Bien tenté. Le titre s'appelle I Emotion You. Ouais. Ce sont donc des ordinateurs qui parlent. Des robots, si vous voulez. C'est pas Job Simulator. Yes! Si? Ah. Mais t'as pas déjà cité un truc? What? Seb. Moi? Ouais. Ah, Chromagun! Ah ouais! Merde! Mercredi! Et eh ben alors le premier qui parle, Spanks. Dis-le. Non. C'est Seb qui a eu le point, tant pis. Ah. Et bah c'est toi le chef, hein, Silion. Hein. C'est soit tu. C'est toi qui vois. C'est vrai, j'avais oublié que j'avais donné une réponse, donc. Alors, je vais te mettre ton point entre parenthèses. On verra bien. Hein. Je peux pas le citer. Job Simulator, je l'ai pas fait. J'aurais jamais trouvé. Ben bah, c'est pas grave ça. Tu peux tricher. Hein. Non, c'est clair. Il se gêne pas, Sébastien. Donc. Ouais. c'est vrai. C'est clair. Bon, surtout pour mon pauvre Spanks, la prochaine, je suis pas sûr que tu la trouves. Et tes deux acolytes, ils vont tout de suite se battre pour la. C'est charpé. À ce point-là. Je pense. Allez, 3, 2, 1, top. Ah, déraciné. Ah ouais. J'ai failli le dire en plus. Ce violon. T'as entendu le violon? Ah là, j'ai grillé. Juste une note, ça suffit quoi. Il m'a dérassoulé celui-là, donc. Il dérassoulé. Non, mais pour que les gens se rendent compte, on va le laisser l'intégralité du morceau celui-là. chanter. Vas-y, on parle plus, on écoute, hein, ça fait plaisir. Bonjour, ça va? Bonsoir. Oh, je sais pas ce que j'ai. Je suis. Si tu veux. Non. Je suis tout émotionné. J'ai perdu mon ours en peluche. Veux-tu m'aider, petit esprit? J'ai perdu ma mère. Mais tu vas la retrouver. Mais. Non, après, ouais, on rigole, elle est pas laide, c'est une belle musique, mais je pense que vous l'avez tellement entendue dans le jeu. Voilà, c'est ça, c'est qu'elle tourne tout le temps. T'entends ces petits moments de vide, tu sais, t'entends le... Et ça s'arrête. c'est ce moment de rien, en fait, qui te plombe. Ouais, bah, c'est un style, hein, les goûts, les couleurs. Hein. Bon, on se tire une balle directe ou on... Non, autre chose on va passer à la prochaine qui est... Allez. Allez, la prochaine... qui est beaucoup plus rythmé et qui est signé de Diabolique. 3, 2, 1, top. Oh, le ball. Yeah, wow, impressionnant. Je l'ai fait il n'y a pas hyper longtemps, du coup. D'accord. J'avais bien aimé l'univers, le délire un peu du jeu. L'esprit un peu synthwave, justement. Dance with the Dead de Diabolique. Je savais pas que c'était un groupe, en fait. C'est la musique du jeu. Donc là, ils font de la pub sur dans le jeu, t'as leur Bandcamp, t'as bien leur Bandcamp, je crois. Ah, ouais. Ouais. Bon, au final, moi, je la retirerai après la suite. C'est du match. Dans ce jeu. Ouais. Oh, après, c'est. Ouais, dans ça ce va type avec jeu, ça peut, le style. Faire. Voilà, c'est ça. C'est la Saint-Ouest, je trouve que ça colle vraiment bien avec ce. C'est très bien, on dirait Racine. Elle est pas mal celle-là. Ah ouais. Bon, ça s'est écouté, mais bon. Voilà. Ok. Allez, on passe à l'avant-dernière. Alors là, c'est une spéciale Laurent, en fait, hein, parce qu'on est, lié par contrat, donc on était obligé de mettre cette musique. Sponsorisé. Voilà, c'est Muse, non? Sponsorisé par Laurent et Cyril. Et donc, c'est parti. Top! Ça commence doucement. Très alien. Ça fait peur. Oh, je me tente, hein. The Persistence? Non. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est aussi un des premiers jeux PSVR sortis. Pas un des tout premiers, mais sorti très tôt quand même. Erdelai? Non. Ah, ça aurait pu. Tension, le titre, c'est Tension in the Nest. Quand on arrivera à une minute, tout le monde pourra reproposer. Allez, tout le monde peut reproposer. C'est un jeu qui aurait dû se jouer au move, mais qui se joue à la manette. Robinson cette journée? Yes. Yes, say. Bah, je suis pas fier. Hein. Non. Je suis pas fier de l'avoir deviné, voilà. Celui-là, et en même temps de pas avoir reconnu direct, parce que c'est pareil, c'est un des premiers jeux sur PSVR, celui-là. Ah, je l'ai pas fait. Ouais. Je l'ai pas fait non plus. Le plus détesté. Mais pourquoi pas à l'occasion? Bah, il est chiadé, hein, mais... Je suis curieux. Ouais. Bon, de toute façon, tout ça, ça n'a pas d'importance. On va passer au Super Banco. Voilà, tous les points, là, en fait, Seb, il avait gagné. Hein. Il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et Sei, tu as 6 points et Spanks 4 points. Mais voilà, on oublie bravo. Tout. Bravo, Seb, bravo. Celui qui trouve la dernière musique a gagné le blind test. Ok. Allez, vas-y. Wow, allez, ça va être rapide. Hein. Allez, messieurs. 3, 2, 1, top. Borderlands 2. Et bravo, ah, Spank, c'est le grand gagnant. Ah, de j'avais ce Tarantino blind en tête. trop putain, bien parmi joué. Et oui, on l'a pourtant entendu plein de fois, cette musique. Bravo. Bien joué, Spank. Si le cru, j'aurais pas parié sur toi. En plus, elle est super cool celle-là. Ouais, elle se laisse bien écouter. On va la laisser d'ailleurs. T'as envie d'écraser des chiens avec ta bagnole. Pardon. Petite émission spéciale Blind Test. Vous pouvez retrouver le podcast sur iTunes, PodCloud, Spotify, Deezer et bientôt sur YouTube. Merci messieurs d'avoir joué le jeu. Ouais, merci à toi, Sylvion. Merci à toi. Et ce sera ça, pas la première. Peut-être que Seb aura des idées aussi de Blind Test ou d'autres. Moi, ça fait longtemps que je te saoule avec ça. Ouais, mais c'était bien, bien sympa en fait. Voilà, une fois qu'on trouve la façon de le faire, après c'est cool à réaliser. Quoi. Bonne idée. Ouais. En tout cas. Et il y a pas mal de musique. On va se faire complètement démonétiser sur YouTube, mais c'est pas grave. Bah, vu qu'on n'est pas vraiment monétisé, quoi qu'il en soit, non, je rigole. Encore bravo à Spanx, merci Seb, et bien sûr, Seychur prend les rênes à la prochaine émission. Yeah. Et je te laisse le mot de la fin, enfin, je vous laisse le mot de la fin, messieurs. Ben, vive la musique dans les jeux vidéo, vive la VR, et puis gros bisous. Ouais, salut tout le monde, salut tout le monde. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Avec les pas, tu sais. Et la porte qui se claque. Clonk. Allez, salut tout le monde.